derrière avec Ginla. Et Ginla va Crosby. That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab towards Bell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson has scored for Canada. Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même. Tire le bouton. Et le but. C'est long et c'est capté. Julian Fairley fait jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à la conduite de partie, l'émission qui, à chaque épisode, vous parle du sport d'un peu partout à travers l'actualité. Bon matin messieurs. Bon matin. Bon matin Marc-Antoine, bon matin Philippe. Bon matin messieurs. Bon matin Philippe. Cette semaine dans l'émission, écoutez, on va vous parler des Patriots de l'UQTR qui a plusieurs activités cette fin de semaine. À peu près toutes les équipes sauf le golf est en action cette semaine parce que le golf, l'hiver, c'est pas génial. Ben, question de partir encore sur une dérape là, comme à tout début d'émission. Oui. C'est le moment l'an de dérape. L'an dernier, je pense que je vais nous faire un thème pour notre dérape. C'est pas fou ça. Ouais. Ben, ça pourrait être le thème d'émission, remarque bien, ça c'est toujours en partant. Ouais. L'an dernier, alors que j'étais en stage à Tourisme Mauricie, j'ai été au... Ah ben t'as un gadon, ça y est, c'est notre moment dérape. La toune de Party Boy dans Jackass. Okay. Je trouve que ça s'applique bien au dérap. Tout à fait d'accord. Et c'est ça de danser, vous me dérangez un peu. Mais oui, donc je m'en vais à Saint-Anne-de-la-Pérade pour le golf sur la glace. Donc sur la rivière Saint-Anne-de-la-Pérade, j'ai eu un fun noir. Ouais. En fait, j'aimerais dire un fun blanc, on était sur la neige. Mais toute la journée, en fait, les balles de golf sont roses. Et les coups sont quand même très difficiles à réaliser. Ils font ça dans le coin de Saint-Anne-de-la-Pérade. Dans le coin de fleuve du Bas-Saint-Laurent. C'est ça se fait à plusieurs places, mais j'en ferai pas une saison. Non, mais c'était très agréable. Là, comme loisir. Au petit poisson, c'est bien le fun, parce que tu t'en vas d'une cabane à l'autre, donc évidemment, on t'attend avec un réconfort liquide dans chacune des cabanes. C'est chanceux quand tu réussis à la mettre dans le trou, c'est pas un labelle que tu sors, c'est un poisson directement. Oh oui, faut que tu sois vraiment chanceux. Bon. Ouais. C'est une chance inouïe. Belle dérape. Ouais, bon. Alors, c'est ce qui conclut notre dérape. Ah oui, donc, si peu. Arrêter notre thème de dérape. Félicitations. Bon, t'as arrêté ça comme le petit chinois dans l'émission justement de Jackass où Party Boy va danser dans le magasin d'électronique. Non, mais c'est parce qu'il faut avancer, donc quand même une bonne émission. Je parlais des Patriots, je vais vous parler aussi de Philippe qui est en train lentement, mais sûrement, d'une chronique foot. On va parler hockey junior majeur du Québec. Il y avait un gros match hier à Drummondville-Shawinigan. JP René va joindre nous pour parler des Steelers de Pittsburgh qui sont une des deux équipes qui va être au Pro Bowl, magnifique Pro Bowl, au Super Bowl la semaine prochaine, dimanche prochain. Et on va parler du match des étoiles qui était disputé hier. Quel match? Disputé hier du côté de Raleigh en Californie. Donc, écoutez, allons-y tout de suite avec... les Patriots. Du côté des Patriots, on était en action deux fois cette fin de semaine. On se dirigeait vers l'Ontario où est-ce qu'on allait affronter tout d'abord les Ravens de Carleton et ensuite les GGs d'Ottawa. Du côté du match contre les Ravens, c'était beaucoup plus difficile. On est d'accord que les Ravens représentent un défi qui est pas mal plus notable que les GGs d'Ottawa au niveau du classement. Et messieurs, c'était une domination totale du côté des Ravens. 38-21 les tirs. On n'a jamais été dans le match du côté des Patriots. Le pointage final, c'est 6-3, mais fiez-vous-y pas. Deux des buts des Patriots ont été comptés alors que c'était déjà 6-1. On était rendu en troisième période. Donc ça, c'était deux buts de Donovan et Jonka. Et Jean-Sébastien Breton avait mis la marque 1-1 en première période. Mais comme je dis, là, c'est la deuxième période qui est venue tuer les Patriots alors que c'était 1-1. Baum, Hayes, Good, Manley et Good deux fois, Brad Good, qui sont venus compter pour vraiment casser les jambes des Patriots. Le deuxième but de Good, c'est en troisième. D'ailleurs, Brad Good a récolté la première étoile, suivi de Joey Manley et Justin Caruana. Victoire facile. Je peux vous parler de Maxime Robichaud qui a perdu la tête un petit peu durant cette partie. A même jeté les gants, mais a été chanceux, s'en est tiré sans une majeure pour Bataille, parce qu'on sait qu'une majeure pour Bataille, ça garantit 3 matchs de suspension. On s'en est tiré du côté des Patriotes. Toutefois, Robichaud a écopé de plutôt 2 fois 10 minutes d'inconduite et une inconduite de partie. Donc, en plus d'une pénalité pour mise en échec par derrière, c'est qu'il a frappé un joueur par mise en échec par derrière et les joueurs se sont dirigés vers lui par après. Et c'est là que ça a commencé, mais Robichaud avait l'air assez frustré, merci. Pourtant, les Patriotes auraient pu en profiter dès le début du match parce que du côté de Carton, c'est Taylor qui a... Tyler Taylor. Ça, honnêtement, là, tes parents ont ri de toi de ton baptême, hein? Tyler Taylor. C'est comme s'appeler Benoît. Ben, tu sais, Georges. Ah ouais, Henri. Robert. Jacques. Tu sais, Bob Robert, mettons. Yves. Tu sais, un moment donné, en tout cas. Yves, c'est pas chez Yves, tu sais. Drogba. Jamba. Didier, ouais. Donc Taylor qui a écopé d'un 5 minutes et d'un inconduit de partie dès le début du match, alors qu'il y avait 23 secondes, c'était le temps de démarrer sur des chapeaux de roue du côté de l'UQTR, mais ça n'a pas fait. Et finalement, Vincent Lamontagne, qui était devant les filets, a quand même aussi 26 arrêts sur 31 tirs, mais après avoir accordé 5 buts, a dû céder sa place en troisième période à Jean-Christophe Blanchard. Le lendemain, du côté d'Ottawa encore, mais du côté de l'Université d'Ottawa. Cette fois-ci, les Patriots, ben on a rebondi et pas à peu près. C'est une victoire de 4-1 par les Pats. 30-22 les lancés dans cette victoire. Les buts du côté des Pats, c'est le défenseur Nicolas Desilets en deuxième période. Pas eu de but en première. Donc, Nicolas Desilets en deuxième période. C'est son deuxième cette année. Les aides à Donovan et Petit. Ensuite, Jonka. Pierre-Alexandre Jonka qui est venu faire son troisième de la saison. Les aides à Donovan Robichaud. Toujours en deuxième période, Bellavance Martin, les aides à Lessard et Lévesque. Et en avantage numérique, Guillaume Chicoine. Guillaume Chicoine, son 11e cette année. Ça va très bien pour lui. Et ça se continue là, vraiment. Des aides à Joncaire et Robichaud. Donc Jean-Christophe Blanchard était dans les filets dans cette partie. Il a arrêté 21 des 22 lancés des GGs. Ça a été bon pour la première étoile de son côté. Pierre-Alexandre Jonca a la deuxième, Olivier Donovan la troisième. Les unités spéciales ont quand même bien été dans ce match-là. 1 en 4 du côté d'Ottawa, 1 en 3 du côté des Patriotes. Mais je veux vous parler justement des unités spéciales parce que la veille, du côté de Carlton, les Patriotes ont accordé 3 buts sur 8 opportunités. Faites le calcul au niveau de la moyenne, c'est pas génial. Quand on regarde le classement présentement, ben la guigne se continue du côté des Patriotes. On est toujours en avant-dernière position avec 74,2% d'efficacité pour ce qui est des désavantages numériques. Donc, c'est très, très, très mauvais et ça va prendre de quoi pour shaker la cabane un peu, là, si je peux dire, là, parce que désavantages numériques ne fonctionnent pas comme ça en séries éliminatoires. Oubliez ça, je veux bien croire qu'il y a un petit peu moins de pénalité en séries éliminatoires, mais quand même, là, ça vaut pas la peine. Ça donnera pas grand-chose de bon si on n'a pas une performance meilleure à moins d'un homme. Hey, un gars qui doit être content, c'est Jean-Christophe Blanchard, première étoile. Un petit retour, d'ailleurs, j'y ai causé un petit peu rapidement à Jean-Christophe hier. Et il me disait qu'il était très heureux de tout ça. Il m'a parlé un petit peu aussi de l'arrivée de Sébastien Charpentier, qui est le nouvel entraîneur des gardiens de but. Et bien sûr, il me disait ça, il va pas s'en plaindre. Je pense qu'il voit ça d'une façon très, très positive. Puis à date, il aime beaucoup ça, travailler avec Sébastien. Et je pense que c'est une très bonne chose pour lui et pour l'équipe au complet, pour les prochains gardiens qui seront là. Parce que Blanchard, si je ne me méprise pas, termine cette année. Et hier, je faisais l'exercice sur la galerie de presse à Drummondville. Je faisais l'exercice de trouver un gardien de Québécois de 20 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui est bon, tu sais, qui pourrait venir prendre la place de Blanchard, et je n'en trouve pas. Alors, je suis un peu inquiet pour la situation devant les filets du côté des Patriotes. Peut-être le seul espoir, ce serait un retour de Marc-Antoine Gélina, qui avait été approché, avait dit qu'il allait venir jouer ici l'an dernier. Il m'a décidé de se diriger vers les États-Unis, à moins qu'il décide de revenir au Québec et de venir jouer à l'universitaire. Mais sinon, c'est la troisième année en ce moment, Jean-Christophe? Si je ne me méprise pas, oui. Donc, s'il fait la maîtrise, on est bon encore pour 2 ans? Ben, je suis pas sûr. Je pense qu'il m'avait dit, là, quand j'ai parlé avec cet été, il me disait que, ben, cet été, cet automne, il me disait qu'il voulait terminer son bac, puis après ça, il regardait ses options au niveau de son futur, soit le marché du travail ou les professionnels. Okay. Aller jouer en Europe, peut-être. Tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton non plus, là, mais ça ne le tente peut-être pas. Je pense qu'il est en finance aussi, mm-hmm. là, administration finance. Ouais. Donc, je sais pas, de maîtrise en finance, c'est intéressant pour lui. Moi, je mettrais un petit 2 sur le titre de CGA qui s'obtient avec la maîtrise. Là, tu peux-tu m'expliquer ça? Ben, en fait, là, pour l'instant, il est à sa dernière année de bac. Donc, s'il poursuit à la maîtrise, il obtient un titre supplémentaire justement en finance, qui est le titre de CGA. Donc, moi, je pense que ça pourrait être ce qui l'intéresse. Surtout si les Patriotes se replacent un peu puis vont un peu plus loin. Surtout si lui se replace, de la façon que ça s'est dirigé depuis le début de l'année. Là. Écoute, c'était la première victoire de Blanchard depuis le 12 janvier. Et ça en est joué des matchs là, parmi ce temps-là. Je pense que ça en est joué 5-6. Là, donc, ça a pas été génial. Là, on va espérer que ça rebondit. Hey, autre petite nouvelle dans la Ligue, les gars, avant que je vous dise le classement. McGill a connu sa première défaite en temps régulier cette année. A été défaite 4-0 par Carlton. Donc, mais ça fait mal aux Patriots, cette défaite-là, parce que Carlton sont en lutte avec les Pats pour le deuxième. Donc, s'il y avait une équipe que on aurait préféré qu'ils perdent contre, mettons, Concordia ou Ottawa. Mais là, c'est pas le cas. Et justement, au niveau du classement, bon, McGill est toujours premier, 46 points, on n'en parle pas. Au niveau du deuxième rang, c'est là que c'est extrêmement serré. Nipissing sont au deuxième rang avec 35 points, 26 matchs. L'UQTR avec 25 matchs disputés jusqu'à présent ont 33 points. Et l'Université Carleton, je vous parlais que c'était une Carleton, 2 victoires en fin de semaine, c'est hyper important pour eux. Sont au troisième rang avec 32 points, mais un match en main sur l'UQTR, 2 sur Nipissing. Donc avec 2 victoires supplémentaires, c'est sûr qu'il faut les gagner, ces matchs-là, mais avec 2 victoires supplémentaires, on passe au deuxième rang. Nipissing, c'est une question de... C'est une question justement de qui va gagner, qui va perdre en arrière d'eux autres. L'UQTR a un match en main. Si on gagne du côté d'UQTR, on va avoir un avantage sur Nipissing parce qu'on va avoir une victoire de plus. Donc, on sera au troisième rang ou au deuxième rang, tout dépendant de ce qui se passe avec Carlton. Mais on doit les gagner, ces matchs-là. Et la saison de Nipissing, les deux matchs qui leur restent, c'est contre l'Université de Toronto qui occupe présentement le 8e rang. Donc, c'est pas très difficile comme match. Du côté de Carlton, on l'a pas mal plus difficile. On affronte les Patriots une fois. On affronte Concordia deux fois, si je me trompe pas. Et on affronte McGill une fois, donc plus difficile. Et du côté de l'UQTR, les matchs restants, c'est Concordia, c'est Carlton justement, et l'Université d'Ottawa ici même, le 12 dernier match de la saison. Match qui sera diffusé sur les ondes de C'est Fou. Le match contre Concordia, lui, le 9, va être web diffusé sur c'estfou.ca. Et pour cette diffusion, on devrait avoir même l'image du match. Donc, en plus d'entendre ma savoureuse voix, vous allez avoir droit aux images de cette rencontre. Je vous parle, mais si on reste dans le hockey avant de s'en aller vers le soccer, les Patriots soccer qui est en action, c'est Francis Charlin présentement aux Universiades avec l'équipe Canada, ont disputé quelques matchs, deux matchs depuis le début de la... En passant, je dois critiquer le site des Universiades qui est super mal fait. Là. C'est épouvantable. D'ailleurs, j'ai été voir la semaine dernière justement pour avoir un peu plus d'informations. Puis tout ce qui est score chart, là, en fait, ouais, les feuilles de match, là, ouais. Je les comprends même pas. Il y a des plus, des moins dans des colonnes que je ne comprends pas et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je cherche toujours la cédule. Ouais, le calendrier. Ouais, le calendrier. Tout ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un match là du groupe B. Donc, même là, je pourrais vous dire, je crois que les Patriots, excusez, l'équipe Canada joue aujourd'hui, dans quelques heures probablement, mais je peux même pas vous garantir parce que je le vois pas devant moi. Là. Je peux pas cliquer pour savoir c'est quoi ce match-là. Je vois juste qu'il y a un match du groupe B à ce moment-là. Mais hier, on affrontait le Bélarus du côté, donc un match contre le Bélarus, on se permet de rire, de dire « Ouh, ça va être facile. » Non, on l'a échappé du côté des Patriotes. C'était samedi soir plutôt, pas hier. On l'a échappé du côté des... J'ai dit Patriotes. Du côté d'équipe Canada, 3-2, victoire de 3-2 du Bélarus en fusillade. Les buteurs du côté du Canada, c'est Jean-Michel Risk qui évolue, si je me trompe pas, pour Laurier. Je mets pas ma paye là-dessus. Et Brandon McLean qui, lui, évolue avec l'Université Carleton. Ça, j'en suis sûr. Donc, du côté... Et finalement, alors que c'était 2-1 suite au but de McLean en fin de troisième période, alors qu'il restait moins d'une minute, c'est Pavel Razdadouski du côté du Bélarus qui est venu compter alors qu'il restait moins de 50 secondes. Nul autre que Pavel Razdadouski. Razvadouski. Ah, je t'ai pas pris. Ben, ça ressemble pas mal à ça. c'est pas comme ça on allait le prononcer une autre fois dans notre vie, là, de toute façon, là. À moins qu'on le dise là, mais... Donc, et en fusillade du côté du Canada, Brandon McLean, Pavel Razdavuduski a compté, ça c'est du côté du Bélarus, finalement le but vainqueur du Bélarus, c'est Artissom Demkov qui a donné la victoire au Canada. On est tout de même assuré de passer en deuxième ronde du côté du groupe B, le Canada, mais on est en deuxième position. Non, c'est pas vrai, on n'est pas assuré, ok? Si jamais le Canada l'échappait contre la Corée, oui, mesdames, messieurs, je viens vraiment de prononcer l'échappait contre la Corée, on passerait pas à la deuxième ronde, donc ça serait assez dommageable de ce côté, mais soyez pas trop inquiets, là, j'ose espérer, sinon pleurons, ça serait triste pas mal, mais bon, on va espérer des meilleures performances du côté des hommes représentant le Canada. On va à la musique. Ouais, on va à la musique. On va l'écouter ripper avec le groupe, avec la chanson Rockstar. Et au retour, je vous parle soccer, natation et volleyball du côté des Patriotes. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduitedepartie.com. Si vous voulez lire notre blog, chronique, opinion et beaucoup plus, c'est l'inconduitedepartie.com. J'ai dit ça, on est de retour à l'inconduitedepartie.com. Ouais. Ouais, hein? On est de retour à l'inconduitedepartie.com. .com, si vous voulez nous lire, pot.com, si vous voulez nous entendre. Hey, on continue donc avec... quoi? Rien. Mais on peut nous entendre aussi sur l'inconduitedepartie.com. Effectivement. C'est vrai, il y a les rediffusions. La journée même. Les podcasts. La journée même, dépendant de l'étendue de travail que tu as dans l'après-midi. Si Nicolas. Si tout va bien, c'est en ligne vers midi et quart, midi et demi. Si tout va mal, demain. Mais normalement, c'est la journée même. À date, je pense que depuis le retour du temps des fêtes, c'est pas mal la journée même. Hey, on continue rapidement, monsieur, parce qu'on a quand même d'autres choses à parler du côté des Patriotes. Les filles étaient en action hier. On sait que ça allait bien du côté des filles. On occupait le premier rang de la Ligue de soccer intérieur universitaire. Toutefois, hier soir, on l'a échappé. Hier après-midi, plutôt, on l'a échappé 3-0 face à l'Université de Montréal. C'est en direct du complexe sportif Marie-Victorin, à Montréal. Donc, Montréal qui occupe présentement le deuxième rang du classement avec 7 points, mais pas très loin derrière, l'Uquiterre est là avec 6 points. C'était le premier gros défi, je vous dirais, du côté des Patriotes. On avait affronté Bishop et l'UQAM, mais on était chercher 6 points face à ces équipes-là, et ce sera 6 points qui vont être précieux d'ici la fin de la saison. Du côté des hommes, eux aussi, contre Montréal, bien sûr. Montréal qui sont excellents, peu importe. Et c'est une défaite de 3-1 du côté de Montréal. Du côté des Patriotes, plutôt. Donc, les Patriotes, en bout de ligne, occupent le cinquième rang maintenant avec 3 points, mais seulement 2 matchs à disputer. Devant eux, l'UQAM ont 4 points, mais 3 matchs à disputer. Montréal, McGill et Laval sont devant eux. Laval toujours sans défaite, 2 victoires nulles. Et Laval devrait finir premier. Il avait gagné, Laval ont gagné le championnat de la Ligue l'an dernier aussi, qui était disputé ici même à Trois-Rivières, tout comme celui de cette année le sera. Ça va être le 27 mars, donc c'est dans un petit bout encore, disons-le comme ça. Hey, je vous parle volleyball, messieurs. On le sait, du côté du volleyball, c'est la première saison cette année. On est en deuxième division où évoluent l'UQAM, LUCAC et LUCAR. Donc, pas mal toutes les universités du Québec. Hein, on en parlait l'an passé, la semaine passée, Phil, du réseau de UQ, ouais. Qui n'arrive pas tout le temps, à part les Patriotes, qui n'ont jamais d'équipe d'autres d'élite, sauf peut-être les Citadins de l'UQAM au basketball. Ça, je vais leur donner ça. Donc, eux ont le basket, nous on a le hockey. Tant qu'à moi, c'est pas tout à fait égal, mais peut-être les gens de Montréal pourraient dire autrement. C'est dans le fond, la division 2, c'est les équipes de l'UQ, sauf l'UQO. Et la division 1, c'est les équipes d'université privée, c'est-à-dire Laval, Sherbrooke, Montréal et il manque l'autre club là. J'ai un blast, c'est pas plus grave que ça. Donc c'était le premier tournoi en fin de semaine. On affronte toutes les équipes. Et grosse fin de semaine du côté des Patriotes. Pas une, pas deux, 3 victoires en 3 matchs. On occupe présentement le premier rang. Donc félicitations. On va probablement avoir un athlète de la semaine qui devrait sortir de cette division-là. Et vraiment très content pour eux. Hey, c'était McGill qui me manquait tantôt. Je viens d'avoir un flash là. Donc très content pour eux. J'ai hâte de voir. Écoute, en espérant que ça continue même les succès, de peut-être voir un jour l'UQTR monter en première division. Mais par contre, j'ai l'impression que la marche est très haute entre la première et la deuxième division. Mais ça va se faire année par année. Finalement, messieurs, à la nage, c'était la Coupe universitaire 4 hier. Pas hier, plutôt samedi en direct de Montréal. Et encore une fois, c'était le show Caroline Lapierre-Lemire. Elle, qui déjà était très bien classée, avait eu des bons résultats depuis le début de l'année. Ça s'est continué. Au 200 mètres libre, Madame Lapierre-Lemire a terminé avec une médaille d'or. Au 50 mètres libre, Lapierre avec la médaille d'argent. Sarah-Ève Savard aussi a terminé une marche en dessous du podium au quatrième rang. Et finalement, aux dames 100 mètres papillon, c'est encore Caroline Lapierre-Lemire qui a remporté une médaille d'argent. Je pense qu'on va tenter de la voir, Caroline, d'ici la fin de la saison dans l'émission. Je serais curieux de voir un peu son cheminement. C'est une fille de Rouyn-Noranda, donc c'est un bout, disons-le, pour venir étudier à Trois-Rivières. Mais je veux savoir, tu sais, je suis curieux de savoir c'est quoi le calibre de la Ligue ici. C'est-tu quelque chose qui peut t'amener aux Olympiques ou non? Donc, ou des compétitions internationales. Donc, c'est ce que je vais tenter de savoir. Là, on devrait prendre contact dans les prochaines semaines avec elle. Probablement à partir du moment où il n'y aura peut-être plus de hockey, parce que je vais être honnête, là, le hockey prend beaucoup de place dans les Patriotes. Normal aussi, là, je pense que c'est la locomotive et c'est pourquoi. Ouais, mais c'est ce qu'on disait aussi justement la semaine dernière quand on parlait des sports EQ. C'est pas tant qu'il n'y a pas de sport de haut calibre au niveau dans le réseau EQ, c'est surtout qu'il n'y a pas de locomotive. Tu sais, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sport de haut calibre non plus. Il n'y a pas d'équipe de haut calibre. Non, je comprends, mais tu sais, je veux dire, on parlait de l'UQAM, LUCAC, tu sais, il y a quand même un programme de volleyball qui est voué potentiellement à atteindre une certaine division 1, tu sais, qui pourrait, même chose avec l'UQO aussi. Même au soccer, on est en deuxième division, en volleyball. Tu sais, on n'essaie pas de pousser. On dirait plus que c'est un fardeau, genre, d'avoir un, OK, on va faire des, tu sais, c'est comme... Je pense pas que ce soit, par contre, tu dis, un fardeau, on n'essaie pas de pousser. Je pense pas que ce soit une question de l'université comme telle. Tu sais, ça prend des ressources, il faut qu'ils viennent de l'extérieur, les ressources, faut qu'ils viennent du gouvernement. Tu peux pas avoir des ressources tant t'es une, il y a pas une masse de monde là à l'UQO, à l'UQAC, puis à l'UQAR. Il y a une question de mentalité aussi justement sur combien d'efforts, combien de finances, combien de d'argent, ouais, combien de motivation tu mets dans ton programme de sport. Et ça, on parlait de mentalité anglophone. Gab Bishop avec 1700 étudiants. Tu peux pas comparer, Nick. Ça coûte 3000$ la session. C'est sûr qu'ils ont plus d'argent. Ouais, c'est mais ils ont trois fois plus d'étudiants. Ben oui, mais... il y a une mentalité quand même, il y a une mentalité dans ta ville, dans tes partenaires, c'est plusieurs. Il est là, c'est, le bobo, là. Ben, c'est là plusieurs touches, facteurs, mais c'est pas juste ça. Mais si tu peux pas, quand t'es une université publique, aller chercher des partenaires financiers extérieurs. Pourquoi ça se fait pas ici puis ça se fait ailleurs? C'est la grande question depuis 400 ans au Québec. Pourquoi Penn State, Michigan State ont des gros programmes de foot? Je suis d'accord avec toi, ça fonctionne pas pareil. Le problème, c'est que dans les UQ et dans d'autres, même dans certaines universités privées, les équipes de sport sont j'ai juste le terme anglais, mais sont runnés, on s'en occupe. Dirigés. Comme, sont dirigés comme, non pas dirigés vraiment tout le programme, là, et non pas juste sur le terrain, mais sont dirigés comme quasiment intramuraux, hockey mineur. Tandis que, regarde l'Université Laval, regarde Sherbrooke, c'est runné comme des entreprises. Des entreprises. Et c'est une structure d'entreprise, ce qui fait que ça fonctionne. Mais parce oui, qu'on fait tout pour réussir au lieu de faire tout pour que ça aille un peu d'allure. Je suis d'accord avec toi. Je suis à 100% d'accord avec toi, mais ce sont des entreprises, c'est pas des services publics. Non, je te parle pas de l'université, je parle de comment tu fonctionnes avec ton programme. Même si c'est une université privée, Laval, ça reste que son programme de sport, lui-même est fait comme une entreprise et dirigé comme une entreprise. Parce que ça en sont des entreprises, ces universités-là. En tout cas, c'est pas grave, on s'étendra pas nécessairement sur ce sujet-là, mais pourquoi, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir un système qui fonctionne comme une entreprise à l'intérieur d'un service public. C'est pas que je veux pas, c'est que ça se fait pas. Et on en a parlé la semaine passée, il y a trop de paliers, trop de gogos, il y a trop de paperasse, le pouvoir est décentralisé, bord en bord, et personne ne se parle, personne ne s'envoie de courriel, personne ne se téléphone. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux rien monter. Ça, va falloir avoir une conversation solide un moment donné là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Un sujet qu'on va refaire dans les prochaines semaines. Mais, dernier point avant d'aller à la pause, parce qu'on prend déjà du retard comme prévu. Si, mettons, là, ça serait un organisme à but non lucratif qui gérerait, une corporation à but non lucratif qui gérerait tout ce qui est patriote de concert avec le CAPS, de concert avec l'UQTR, c'est sûr que tu vas arriver avec des choses de meilleures parce que les gens vont vouloir s'occuper de ça à 100% et non pas, on a un programme sportif d'un bar, mais j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'ai. Il faut t'y payer ces gens-là, Nick. Ouais, mais je veux dire, tu mets les mêmes ressources que tu mets présentement, mais tu le fais différemment. En tout cas, on n'ira pas. Tu sais, que les programmes de sport, que la personne qui dirige peut-être les programmes de sport soit pas la même qui dirige aussi le CAPS, puis qui dirige, tu sais, qui s'occupe de. Qui a trop d'affaires à faire en même temps. Peut-être, ou qui va décider qui va tourner le gazon, tu sais, puis qui. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais, qu'il y a peut-être trop d'affaires en même temps. On préparera un topo complet spécial là-dessus. Ouais, on va l'avoir. On va une pause, au retour, on parle d'Hockey Junior Major du Québec. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou. Très C'est Fou dans vos oreilles. 89.1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes de Shawinigan l'emportent 3-2 en prolongation contre les Voltigeurs de Drummondville. Yannick Veilleux et Benjamin Cazavant sont les marqueurs pour Shawinigan. À Québec, les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Remparts par la marque de 6-2. Le gardien des Tigres, Antonio Mastropietro, a effectué 23 arrêts sur 25 tirs. Et les Whiston recevaient la visite des Saguenayens Chicoutimi. La partie s'est soldée par un pointage de 5-2 en faveur des Maniacs. C'était le week-end des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. C'est l'équipe Lindstrom qui remporte le match des étoiles. Patrick Sharp a été choisi joueur du match et Carey Price, pour sa part, a effectué 13 arrêts sur 16 tirs. Le pilote trifluvien Jean-François Dumoulin pouvait inscrire une troisième victoire en carrière aux 24 heures de Daytona. Malheureusement, son coéquipier a sérieusement endommagé la Ferrari 430 durant la pratique de nuit avant la course. Ce ne fut pas mieux pour Jocelyn Hébert et Régent Vincent qui participaient à la course de la série Continental Tire. Après de nombreuses malchances, ils ont terminé la course en 14e position. Au tennis, c'est finalement Novak Djokovic qui remporte les internationaux d'Australie contre Andy Murray. Seulement 3 manches de 6-4, 6-2 et 6-3 ont été nécessaires au Serbe pour remporter le tournoi. Du côté des dames, c'est la Belge Kim Clijsters qui l'emporte en 3 manches de 3-6, 6-3 et 6-3 contre la Chinoise Lina. Au football, le gouvernement fédéral apportera son aide à Hamilton en leur donnant 22,5 millions afin de rénover le stade Ivor Wynne en vue des Jeux panaméricains de 2015. Au X-Games, la Canadienne Kelsey Serroy a remporté l'or chez les femmes en ski cross alors que son compatriote canadien Chris Del Bosco a mis la main sur la médaille d'argent dans la même compétition chez les jeunes. Et c'est un Québécois qui remporte l'or pour la compétition de Slopestyle avec un pointage de 93.00 que Sébastien Toutant rafle la compétition. Il a devancé un autre Canadien, Mark McMorris, qui a reçu un pointage de 90.00. Et finalement, au sport universitaire, les Patriotes soccer masculins ont subi la défaite contre l'UDEM par la marque de 3-1. Même sort pour les filles qui ont été blanchies 3-0. Leurs prochains matchs seront le 6 février contre McGill au Centre Alphonse Desjardins. Voilà, c'était vos informations sportives de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Motherfucker, I'm awesome. No, you're not, dude. Don't lie. I'm awesome. I'm driving around in my mom's ride. I'm awesome. A quarter of my life gone by, and I met all my friends online. Motherfucker, I'm awesome. I will run away from a brawl. I'm awesome. There's no voicemail, nobody calls. I'm awesome. I can't afford to buy 8 balls, and I talk to myself on my Facebook wall. You know my pants sag low, even though that went out of style like 10 years ago. Suppose I got the swagger of a cripple. I got little biceps. Getting fatter in the middle. And lyrically, I'm not the best. Physically, the opposite of Randy Moss. And yet, so preposterous. Feel the awesomeness. The most obnoxious guest up at the sausage fest. Oh, yes. The girls are repulsed, so I hide in my hood like I'm joining a cult. I'm as nervous as my cattle, Dirty Curtis. All my writtens are bitten and all my verses are purchased. Me, I'll never date an actress. Got too many backzits. Plus, my whole home aroma is cat piss. Every show I do is poorly promoted. And if you like this, it's cause my little sister wrote it. I'm awesome. No, you're not, dude. Don't lie. I'm awesome. I'm driving around in my mom's ride. I'm awesome. A quarter of my life gone by, and I met all my friends online. Motherfucker, I'm awesome. I will run away from a brawl. I'm awesome. There's no voicemail, nobody calls. I'm awesome. I can't afford to buy 8 balls, and I talk to myself on my Facebook wall. I'm awesome. The swagger of a cripple, Check it out, I'm from Maine and I don't hunt, nope, and I can't ski, smoke weed but I can't roll blunts, find me whipped by my wifey, my neck not icy, eating at McDonald's because Subway's pricey, and my unibrow's plucked, just ask my mom if I could borrow 10 bucks, she's like, for what, blunt wraps and some Heinekens, you skinny prick, go get a gym membership and vitamins, I'm like, mom, please, don't blame it on me. I got my bad habits from you, Dad, and Aunt Steve. My attitude's sour, yeah, but my futon's sweet. And the hair on my ass, it is Jumanji. Suit untailored, ringtone Taylor Swift. Can't tweet upon my Twitter, cause I haven't done shit. Bank account red, body ungroomed. Only thing good about me is I'm off stage soon. I'm awesome. No, you're not, dude, don't lie. I'm awesome. I'm driving around in my mom's ride. I'm awesome. A quarter of my life gone by, and I met all my friends online. Motherfucker, I'm awesome. I will run away from a brawl. I'm awesome. There's no voicemail, nobody calls. I'm awesome. I can't afford to buy 8 balls, and I talk to myself on my Facebook wall. I'm awesome. Suit on. Untailored ringtone. Furthermore, I'm cornier than ethanol, cheesier than provolone. I spent ages 8 to 10 living in a motorhome with an ego the size of Tim Duncan. Even though I got shit for brains like a Blumpkin, I'm 24 serving lobster rolls because I spent a decade filling Optimos. And I'm not even the bomb in Maine. On my game, I'm only about as sexy as John McCain. Now put your hands up if you have nightmares, if you wouldn't man up if there was a fight here, if you got dandruff, if you drink light beer. I'm out of breath. But I'm awesome. No, you're not, dude. Don't lie. I'm awesome. I'm driving around in my mom's ride. I'm awesome. A quarter of my life gone by, and I met all my friends online. Motherfucker, I'm awesome. I will run away from a brawl. I'm awesome. There's no voicemail, nobody calls. I'm awesome. I can't afford to buy 8 balls, and I talk to myself on my Facebook wall. I'm awesome. Spooze avec la chanson I'm Awesome. Très, très, très, très un peu satirique comme chanson. Ça me fait penser à du John Lajoie. Pour ceux qui connaissent la tune, I'm just a regular, everyday normal guy. Ça ressemble pas mal aux mêmes paroles. C'est fun, un petit peu de rap à matin, un petit peu de rap qui se prend pas au sérieux, j'aime bien. Mais si on va maintenant parler de hockey junior majeur, les Cataractes étaient en action hier du côté de Drummondville. Et ça a été tout un match, j'y étais, je faisais la couverture du match. Ça a été tout un affrontement entre les Cataractes et les Voltigeurs de Drummondville. Et vraiment, ça a été un match en deux temps du côté des deux équipes et du côté du match au complet. Les Voltigeurs sont sortis fort, vraiment très fort. Et après la première période, c'était 2-0 pour eux. On parle de buts qui sont venus de la part de Sean Couturier lui-même. C'était très drôle de voir dans le warm-up comment il y avait de monde. Il est là. J'avais jamais vu un prospect. J'avais jamais vu, mettons, Crosby ou tous ceux du Québec qui avaient des chances de sortir premier. J'ai vu c'est quoi des gens qui se foutent de totalement des 19 autres joueurs des Voltigeurs, mais qui pointent aussitôt qu'ils passent. Donc, c'était la première fois que je voyais ça. C'est spécial un peu comme ambiance. Les aides à Rémi Blanchard et André Palat. Le deuxième but de Drummondville, c'est Mathieu Gartin à 12 minutes 42. Une aide à Marc-Olivier Brouillard. Donc, 2-0 pour finir la première période. Drummondville, ça va bien. Mais progressivement, les Cataractes ont réussi à revenir dans le match et on a su être opportunistes. On a profité de nos chances. En deuxième période, c'est Benjamin Cazavant à 5 minutes 42 sur une passe de Dave Labrec. Labrec a connu un match de vraiment abysmal hier, c'était vraiment pas bon. À quoi? Abysmal. Je suis pas mal sûr que c'est un mot en anglais que je viens de franciser. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est même pas un mot que t'as échappé. Ouais, abysmal, ça existe. Ça existe pas en français. Non, mais en anglais. Ok, peux-tu le dire en français, maintenant? Non. Ok. Exécrable? Exécrable. Ah, parfait. Ouais, merci. Merci, monsieur le vocabulaire. Exécrable, vraiment, Labrec, des passes, des patins. Labrec qui joue à la pointe, il envoyait la rondelle vers Ryan Cavana. Des fois, ça sortait de zone. Il était prêt à faire une réception. Il y a une passe sur ce but-là, mais c'est probablement la seule chose qui était positive dans son match. C'était très difficile du côté de Labrec hier. Et finalement, en troisième période, c'est Yannick Veilleux qui compte son 17e de la saison. Les ailes à Tommy Giroux et Justin Haché. Alors qu'il restait un petit peu plus de 10 minutes à la période et on va s'en aller en prolongation. La prolongation, vraiment, là, les spectateurs, ils doivent, je pense, au scénario ultime. 5 minutes de plus de jeu pour un match qui était aussi excitant. Pas un match offensif, pas un match à 38 tirs tout le monde, puis les gardiens vraiment sont sur leur tête. Un bon match quand même de la défensive. Girard, par contre, vraiment, Éric Veilleux doit une fière chandelle à son gardien Gabriel Girard, qui l'a sorti du pétrin, a réussi vraiment les gros arrêts. La prolongation ne fait pas de maître et on doit aller en fusillade. Messieurs, ça a pris 9 rondes de tireurs pour arriver avec un gagnant. Et c'est finalement Yannick Veilleux, donc son deuxième but du match, celui-là en fusillade, qui a déjoué le gardien Guillaume Nadeau. Aucun autre tireur avait réussi à déjouer un des deux gardiens. J'ai l'impression que le match des étoiles de la veille en avait impressionné une coupe parce qu'on essayait beaucoup de choses sauf tirer vers le filet. Souvent c'était des tirs par-dessus, à gauche, à droite, c'est ce qui a fait que vraiment du côté des Voltigeurs, on ne l'a pas emporté, quoique les Cataractes ont aussi pu l'emporter. Les étoiles dans ce match, Gabriel Girard récolte la première étoile, Sean Couturier la deuxième et Yannick Veilleux la troisième. Donc je parlais de Girard. En effet, 3116 personnes du côté de Drummondville hier, une excellente foule. C'était pas plein, mais pas loin, là, je veux dire, rajoute 200-300 personnes, puis il n'y a absolument plus d'espace au centre Marcel Dionne. Le centre Marcel Dionne, qui d'ailleurs là, commence à se faire vieillot. Je me suis renseigné hier à savoir qu'est-ce que ça donnait pour des projets d'agrandissement, des projets de rénovation ou des projets de déménagement. Semble-t-il qu'il y a du côté de Drummondville, là, ce n'est pas dans les plans tout à fait. Là, ça niaise au conseil de ville comme ça fait toujours. Là. On s'entend que ça prend tout le temps 6-7 ans avant que quelqu'un dise oui. Là. Si j'ai une recommandation à faire de ce côté, s'il vous plaît, construisez votre aréna plus proche de l'autoroute. C'est tout ce que je demande. Il faut traverser la ville comme à moitié de la ville. Il est situé en plein milieu de la ville, au centre. Mais pas, c'est pas comme au Centre Bell qui est en plein milieu du centre-ville. Là, c'est juste en plein milieu de la ville. Il n'y a pas de stationnement. Donc, si tu veux rajouter 500, 600, 700 sièges à ton aréna et il n'y a déjà pas de stationnement, comment tu fais ça alors que les gens vont être stationnés jusqu'à l'autoroute de toute façon jusqu'au PFK, donc ça va être très très loin. Hop, on a vu aussi un bel exemple justement dans la Ligue nationale là, de qu'est-ce que ça fait un aréna qui est stationné à l'autre bout de la vie avec Ottawa. en fait, les Sénateurs qui ont ouais, avec Phoenix également, qui est à Glendale, qui est en fait la banlieue de... Ben, tu sais, je chiale, c'est sûr, je chiale parce que je suis un gars de l'extérieur. Mais, tu sais, il fallait que je me tape le boulevard Saint-Joseph au complet. Mm-hmm. Tandis que probablement que les gens là-bas, ceux qui vont à pied, ceux qui vont proche, ça fera peut-être pas leur plaisir, mais... Je crois quand même que pour les gens alentours, avoir un espace qui est plus grand, un peu comme au Centre Bienesse. Le Centre Bienesse a eu l'avantage du fait qu'il y a tellement eu de pertes d'emplois et d'usines qui ont fermé, d'avoir une ancienne usine qu'on a désaffectée ou du moins qui n'existait même plus, qu'on est venu raser, qu'on est venu nettoyer les sols. Donc, on avait un beau terrain tout de suite à côté de Jacques Plante, un espace pour faire du stationnement. Mais je ne sais pas si un terrain comme ça existe à Drummondville et je ne sais pas si... Comme à Shawinigan, c'est un chemin direct. Tu longes, ben c'est pas la baie, là, tu longes la rivière puis t'arrives face à face avec l'aréna. Donc c'est super simple. Tandis qu'à Drummondville, faut que tu tapes les 6000 lumières, pas synchronisées. Il y en a un maximum en plus sur ce boulevard-là à Drummondville. Puis si t'as le malheur de pas être sur le bon bord, bonne chance pour te traverser parce que c'est interminable. Non, mais c'est quand même peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. À réfléchir, regardez. On va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux après cette rencontre qui nous parle du caractère de son équipe après cette victoire. Bonjour, accompagné de l'entraîneur-chef des Cataractes, Éric Veilleux. Éric, belle marque de caractère de tes hommes. Vous perdez 2-0 quand même? Oui, tout au long du match. Je pense qu'on n'a pas lâché. Les choses ne marchaient pas tout à fait... de la façon dont on pensait. Là, on s'attendait au swarm, sauf que pour une des rares fois, on a mal réagi à ça. On envoyait les rondelles, je pense, au mauvais endroit. Petit manque de concentration, je dirais, là, plus que d'autres choses. Mais regarde, on a pas lâché. On est revenu avec une excellente troisième période. Et puis, on est à moitié satisfait du match, donc, si on peut dire. Rick, je pense qu'on peut dire que tu dois quand même une bonne chandelle à ton gardien Gabriel, sur toi, fusillade. Oui, Gab a fait de très belles arrêts encore une fois. Je pense qu'il est passé à travers beaucoup de choses cette année. Pas cette année, excuse, des années passées. Je pense que le crédit lui revient présentement. Il joue très bien. Puis, espérons pour lui que ça va continuer. Puis pour nous aussi. Éric Veilleux, l'entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, qui était quand même relativement content de son équipe, mais qui quand même, avec Éric Veilleux, il y a toujours place à l'amélioration. Et c'est un peu ça. Totalement à l'opposé au niveau vocabulaire devant un micro et nouveau s'exprimer avec les médias. Mario Duhamel peu importe si sa carrière avance ou non, Mario Duhamel, l'entraîneur des Voltigeurs de Drummondville, qui est un excellent analyste et quelqu'un qui parle super bien au micro, qui a un bon langage, me fait penser un peu à Danny Dubé. Tu sais, il est plus jeune, Duhamel, là, c'est sûr. Mais Danny Dubé, il me fait penser un peu à ça. Donc, on va aller écouter les commentaires de Mario Duhamel suite à ce match. Il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé de son point de vue durant la rencontre. Dans un match de hockey, c'est toujours 5 ou 6 situations qui peuvent faire la différence. Puis, si tu regardes ce match-là, où on a joué une très bonne première période, on a eu 3 avantages numériques en début de deuxième, où on a raté quelques chances de marquer puis de faire mal à Shawinigan. Puis, au contraire, c'est eux qui, tout de suite après, sur un jeu en zone offensive, qui sont venus capitaliser donc, pour revenir dans le match. Donc, tu sais, au lieu d'être sans dire 3-0, mais tu sais, d'acheter le gros goal, tu tombes à 3-0, ben ça change le match. Mais ça fait partie justement d'un match de hockey, puis ça doit de sauter sur ces occasions-là. Puis ce soir, ben comme je l'ai mentionné aux joueurs, on après une bonne première période, par la suite, on a été up and down sur notre. On a flotté un petit peu. Là, on jouait bien, mais on n'était pas concis là, à 100%. Donc, c'est une leçon à retenir. Puis, tu sais, Shawinigan, c'est une très bonne équipe. Donc, pour nous, de compétitionner avec eux ce soir, ça donnait un autre match baromètre, ce qui est très plaisant. Puis, de voir nos joueurs réagir. Donc, on prend bonne note, puis on grandit là-dedans. Alors, Mario Duhamel, entraîneur des Voltigeurs de Drummondville. Suite à ce match, messieurs, je vous parle du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien sûr, c'est toujours Saint-Jean's qui est en première position avec 85 points. Ne devrait pas être rejoint d'ici la fin de la saison. Le junior de Montréal, à qui on prédisait beaucoup de bonnes choses cette année, c'est en deuxième position avec 77 points. Toutefois, 2 matchs de retard en plus par rapport aux Sea Dogs. Donc, oubliez ça, même s'il reste encore une vingtaine de matchs au classement, à la saison, là, ça m'étonnerait que ça réussisse. Au troisième rang, les Remparts de Québec sont au troisième rang avec 75 points. Les Voltigeurs, justement, avec 71 points au quatrième rang. Et pour ce qui est de Shawinigan, on est présentement au huitième rang avec 65 points, seulement 2 points de retard sur les Olympiques de Gatineau et le Titan d'Acadie Batters. On a toutefois 2 matchs en main sur Acadie Batters et 3 sur les Olympiques de Gatineau. Je ne suis pas étonné si Shawinigan monte et va peut-être chercher le Weston qui, eux, ont 68 points, mais avec 3 matchs, ça serait très possible. Le cinquième rang est une possibilité pour les Cataractes et si ça arrive, ça augure bien pour les séries. Je pense qu'on va peut-être voir 2 rounds et peut-être 3 du côté des Cataractes. Tout va dépendre de qui on va rencontrer durant les séries. Monsieur, je vous parle d'une petite nouvelle. J'en avais parlé la semaine dernière, comme quoi il y avait des fortes rumeurs de déménagement des Maniacs de Lewiston vers Summerside, situé à l'île du Prince-Édouard, où est-ce qu'on retrouve un nouvel aréna de 5000 places. Alors, selon l'Acadie Nouvelle, le journal de l'Acadie Nouvelle, il y a de fortes chances que la demande de relocalisation vers Summerside serait officielle. On aurait demandé ça du côté de Mark Just, le propriétaire des Maniacs. Et si c'est officiel, écoutez, ça voudrait dire que les Rockets de l'île du Prince-Édouard, on va devoir trouver quelque chose à faire avec ça. Ça attire pas beaucoup du côté du Rocket, mais on va devoir déménager si une autre équipe, probablement. Parce qu'on peut pas avoir 2 équipes à l'île du Prince-Édouard. Il y a 55 km à peu près entre les 2 villes. L'île mesure à peu près 60 km en plus. Hein. Donc, c'est pas grand, hein. Mais on va devoir faire quelque chose avec ça. Et qu'est-ce qui se passe avec le Rocket? Il y a 6-7 ans, c'était à Montréal, ça a déménagé, ils sont envoyés à l'île du Prince-Édouard parce que ça marchait pas à Montréal. Ils sont allés à l'île du Prince-Édouard, ça marche pas. Ça fait plusieurs années qu'on on fait du côté du Rocket. Cette année, c'est l'année. Ah oui, cette année, ça va marcher. Puis on arrive en série. On arrive en mi-saison pis on fait ouais non finalement on va vendre. Fait qu'on vend à tous les années. T'as une équipe qui tourne en rond depuis des années, ça attire pas sauf si c'est Canadien de Montréal. Ouais. Mais en même temps tu vois, à Montréal, du temps que le Rocket à Montréal, ça marchait pas du tout. Ouais, mais ça, il y avait plusieurs facteurs. Ouais, mais là, t'amènes le junior, puis ça fonctionne. Ouais, mais il y avait des facteurs majeurs. Il y a une question d'administration là, au sein de l'équipe du Rocket qui fait en sorte que ça marche pas. Ben, si ça marche pas à Montréal, ça marchera pas à l'île du Prince-Édouard. Du côté du Rocket, non, ça, c'est pas vrai, par contre, parce que il y a tout le temps le phénomène grosse ville, petite ville à travers tout ça. Faut que tu gères comme il faut. Oui, c'est ça, c'est sûr. Si t'es pas capable de gérer à l'intérieur du quartier dans lequel ton aréna est à Montréal, oublie ça. Ça te prend un plan marketing solide à Montréal et un plan marketing qui s'applique pas pour une ville comme Shawinigan puis une ville. Non, tu peux pas arriver avec des flyers puis tout. Il y a pas d'appartenance à partant. En plus, du côté de Montréal, on jouait à l'aréna Maurice Richard qui est un trou. On jouait. Ensuite, on était joué au Centre Bell. J'ai été voir un match du Rocket au Centre Bell. Il y avait 700 personnes. Hey, 700 personnes dans le Centre Bell, là. Marc-André Fleury qui était dans les filets lors de cette partie, je m'en souviens, fouille-moi pourquoi. Tandis que du côté de Junior, le plan de marketing est un petit peu plus agressif et on évolue à l'auditorium de Verdun. Mais c'est correct sans plus le Verdun là. Et le Junior de Montréal, c'est correct sans plus. C'est pas une révolution là, ça va pas si bien que ça. On donne beaucoup de billets à tous les matchs là, du côté de Verdun, ben, ça coûte une fortune. Faut que tu payes le parking, faut que tu payes ici les billets. Fait qu'aller voir un match là, ça te revient à peu près à 35$. Là. T'es loin du billet à 15$. Mm-hmm. Donc on parle des rumeurs pour le Rocket qui pourrait s'en aller vers Sherbrooke. Le prix demandé par contre est à peu près 3 millions, donc c'est cher pour les propriétaires là, là-bas. Mais j'ai demandé au directeur général des Voltigeurs de Drummondville, Dominique Ricard, ce qu'il penserait d'un retour d'une équipe d'une concession à Sherbrooke. Donc, on va aller écouter ce qu'il avait à dire là-dessus. Des rumeurs de retour d'équipe à Sherbrooke, ça serait une bonne chose pour une organisation comme Drummondville de revoir une équipe à Sherbrooke? Je pense que oui, on le voit là. Nous, nos meilleures assistances, là, c'est définitivement nos matchs contre Shawinigan et Victoriaville. C'est des rivalités naturelles. Puis c'est facile, là, à ce moment-là, c'est facile aussi pour les partisans de l'autre équipe de se déplacer pour venir à nos matchs. Je pense que ça apporte quelque chose de spécial au niveau de l'amphithéâtre. On le sent encore ce soir. Il y a de l'énergie, puis il y a quelque chose de différent que lors de la fin de semaine dernière contre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Puis moi, je pense que le retour de Sherbrooke, ce sera une bonne chose pour la Ligue, ce sera une bonne chose pour les Voltigeurs. façon subtile de dire le retour de Sherbrooke, ça serait une bonne chose pour nous parce qu'on ça va amener plus de monde à l'aréna, donc automatiquement plus d'argent pour les matchs. Je serais curieux de voir par contre qui s'en irait dans l'Est, dans la division TELUS Est par rapport à si Sherbrooke est de retour qui devrait évoluer dans l'Ouest. J'ai bien l'impression que ça serait probablement les Cataractes de Shawinigan. On verrait moins souvent Drummondville, on verrait plus souvent Victoriaville, Québec. C'est un bien pour un mal, là, je pense. Là. Mais je serais très curieux de voir un retour à Sherbrooke au Palais des Sports. Palais des Sports qui peut contenir environ 6000 places, qui a à peu près 6000 places au Palais des Sports. On parle là-bas que le maire de la ville serait déjà intéressé à le rénover si jamais une équipe de hockey junior se pointait là. Quand même bien que tu as 9000 places puis tu rajoutes des loges parce que c'est vraiment ce qui manque là du côté de Sherbrooke, c'est les loges. Tu mets des loges tout autour, c'est quand même un excellent arena qui est capable d'accueillir un grand parking. Situé par contre en plein milieu de Sherbrooke lui aussi, mais bon, je pense que ça peut marcher aussi, tout dépendant. Hey, dernière petite nouvelle, hier il y avait un match entre les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville. Grosse victoire de la part des Tigres, 6-2 sur les Remparts. Les buts du côté, le sommet dans le fond, c'est Jonathan Audi-Marchessault, Charles-Antoine Roy, et après ça, c'est ça part là, du côté de Victoriaville. Donc Roy, Hines, Roy, Maillet, Gourde. Et du côté de Québec, ensuite Alex Wall. Et finalement, il restait à peu près 6 minutes au match, monsieur. Patrick Roy retire son gardien. 6 minutes à faire au match, Patrick Roy retire son gardien. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. À ce moment-là, c'était 5-3. Tu sais, il me semble 5-2 plutôt. Et on... ben, 5-2, il n'y a pas de différence entre perdre 5-2 et perdre 6-2. Fait que tu fais 5-3, il reste 5 minutes à faire, rien d'impossible. Je dis pas retirer, il reste 3 minutes, mais là, 6 minutes, là, Phil, tu sais ce qui va arriver. Et c'est ce qui est arrivé, Philippe Maillet, qui compte un but à 4 minutes 38, 14 minutes 38, donc il restait beaucoup de temps, et dans un filet désert. Ça change rien, là. À 6 minutes, si... À 6 minutes, t'as besoin de 3 buts, c'est ça. T'as besoin de 3 buts, non. Moi, j'aime pas ça. Ah non, moi j'aime ça. Ah, t'aimes ça, toi. Go for it, le coach a pas abandonné. 6 minutes au match, là. C'est 5-2. Tu sais que ça marchera pas. Tout simplement. Ça changera rien, de toute façon. Si c'est 5-2, si c'est 6-2, ça changera rien. Fait que t'es aussi bien de l'essayer. Puis si tu marques à 5-3, ben là, ça devient pas mal plus intéressant et qu'il reste 5 minutes à faire. Eh bien, je n'acquiesce pas. Hein, donc, c'est ce qui conclut la chronique junior majeure pour aujourd'hui. On va aller à une pause. Au retour, Philippe nous parle soccer. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. La femme sont faites pour faire l'amour. femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet, donne-moi le code secret. Wow, wow, wow, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah. Ouh, et toi dans la chambre, la nuit sera tendre. Damien Robitaille avec la chanson Mot de passe. C'est cochon comme chanson. On apporte bien le matin. Messieurs, Philippe surtout, soccer, foot. Tu commences ma chronique foot en disant c'est cochon, ça commence bien le matin. Aïe. Je pensais avoir tout vu, mais non. Il m'en sort encore des capables. Ouais, je vous parle de foot. C'était la dernière semaine des échanges, des transferts du côté de la UEFA. Donc, il va y avoir quelques petits transferts dans les informations. Puis, je vous parlerai pas nécessairement des scores parce que les équipes qui nous intéressent, là, qui ont plus de chances de passer, de se rendre à la toute fin, sont en pause, justement, dans leurs ligues respectives. Donc, en ce moment, on se prépare pour la Champions League. On commence immédiatement avec du côté de Milan. Donc, Didac Villa s'engage à l'AC Milan. Le latéral gauche, Didac Villa, sélectionné par l'Espagne chez les moins de 19 ans et les moins de 20 ans, rejoint l'AC Milan en provenance du RCD espagnol pour un montant estimé à 3 millions d'euros. Donc, nouvelle recrue du côté de l'AC Milan. Du côté de Ibrahimovic, il n'arrête pas de briller depuis son arrivée à l'AC Milan cet été et l'attaquant suédois a bien l'intention de continuer avec la reprise de l'UEFA Champions League. Autre transaction, Van Bommel part au Milan. Le milieu de terrain du Bayern, Marc Van Bommel, a été libéré par son club et rejoint l'AC Milan. Le Néerlandais met fin à 4 ans en Bavière où il a remporté 2 titres. Donc, du côté de l'AC Milan, on se renforcit un peu, justement, en prévision de la Champions League. Question géographique, la Bavière, c'est bien la zone entre l'Allemagne et la France. Exactement. Thomas Nicolas, okay. Tu es un fin géographe. Ça, et l'Alsace. Pardon? L'Alsace aussi. Celle-là, je pourrais pas te confirmer, mais je crois que oui, genre juste au nord de la Bavière. C'est pour ça qu'on se battait aussi en première guerre mondiale. C'est bien probable. C'est bien probable. Faudrait faire des recherches plus poussées, mais non. Non. Donc, peut-être si on fait une nouvelle émission. Oh, géographie avec Philippe et Nicolas. Ouais, ça pourrait être pas pire. Toum, toum, toum, toudoum. Donc, du côté de l'UFC Barcelone, Nasri blessé pour Arsenal, touché aux ischio-jambiers, le milieu de terrain international français de l'Arsenal FC, Samir Nasri, devrait rater le match. La visite du FC Barcelone en UEFA Champions League, donc le FC Barcelone qui devrait profiter un peu justement de l'absence de Nasri du côté de l'Arsenal. Busquets continue au Barça, le milieu de terrain Sergio Busquets a renouvelé son contrat de 2 ans avec le FC Barcelone, il devra donc rester avec les Blaugrana jusqu'en 2015. Jeffrey sera encore absent, on en avait parlé il y a quelques semaines, l'attaquant ratera au moins les 8e de finale pour une blessure à la cuisse, donc ça de ce côté-là un peu plus triste du côté du FC Barcelone. Du côté de Chelsea, on s'en va en Angleterre. En fait, on déclare du côté de Chelsea qu'on ne lâchera rien et que cette année, le club londonien va tenter d'obtenir un bon résultat sur le terrain du FC Copenhague. On a vraiment l'intention d'aller très loin du côté de Chelsea. Wembley est en vue. Le mois prochain, la Champions League reprend ses droits avec les 8e de finale. Nouvelle étape dans la route vers la finale de Wembley. Donc, justement, du côté de Chelsea, là, Tout se bouscule, en fait. Là, la fin de saison du côté de la Première Ligue également. Là, le championnat également en Angleterre qui se poursuit. Et Kakuta est lié à Chelsea à 19 ans. Gaël Kakuta lie son destin à celui du Chelsea FC. Le Français s'est engagé jusqu'à l'été 2015 avec le champion d'Angleterre. Real Madrid... Du côté du Real Madrid, en fait, la grosse nouvelle, c'est Adebayor qui est prêté au Real. Le Manchester City FC prête le buteur international togolais Emmanuel Adebayor au Real Madrid pour la fin de la saison avec une option pour une année supplémentaire. Donc, question pour toi, Phil. Quand il y a un club comme Manchester City qui est quand même très bien placé dans sa ligue, on parle de troisième position du côté de Manchester City, prête un buteur, j'en ai dit, c'est un bon joueur, écoute, je le connais pas. Emmanuel Adebayor, c'est un et très le bon prête joueur. Au Real Madrid. Ça vient-tu mettre un peu les spectateurs, les fans et les amateurs en beau calvaire? Ou? Non, parce que si Manchester City prête Adebayor, c'est que Manchester City a d'autres buteurs également. Est capable de continuer quand même sur sa lancée, de bien performer. Et puis, c'est, évidemment, il y a un montant d'argent qui est rattaché à ça. Ouais, donc, qui permet à Manchester City d'aller aussi s'enrichir puis d'aller peut-être chercher des joueurs plus en profondeur. Donc, quand on... C'est rarement le joueur, la locomotive de l'équipe qui est transférée, à moins que ce soit vraiment un revirement de bord complet de l'équipe puis qu'on projette plus pour les années prochaines. Mais dans le cas d'Adebayor, c'est un bon joueur du côté du Manchester City. C'est peut-être pas le joueur dominant du côté de Manchester City, mais au Real Madrid va très bien s'insérer dans la formation, compte tenu également que Higuain va être opéré. Blessé au dos, on en avait parlé également là, il y a deux semaines. Il va se faire opérer pour être absent pendant 4 mois. Donc, justement, là, Adebayor qui vient en renfort. C'est une bonne transaction des deux côtés, si tu veux mon avis. D'accord. Du côté de Manchester United, justement, Van der Sar s'en va vers la retraite. Le gardien du Manchester United a confirmé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il est temps de s'occuper de la famille, donc les éternels rivaux du Manchester City, Manchester United, qui vont probablement laisser partir un des meilleurs gardiens de tous les temps en Angleterre. Et grosse confrontation également dans la Champions League. On en parlait il y a quelques semaines. L'OM qui va affronter Manchester United en 8e de finale. Eh bien, l'OM défie les Red Devils. L'Olympique de Marseille court derrière une place en quart de finale de l'UEFA Champions League pour la première fois depuis sa victoire finale en 93. Mais face au Manchester United, la tâche est loin d'être simple. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Une super belle rivalité. À prévoir également, ben en fait, du côté de l'OM, Valbuena est blessé au genou toujours, donc l'Olympique de Marseille risque de rencontrer le Manchester United le mois prochain sans son meneur de jeu Mathieu Valbuena, qui s'est blessé au genou à l'entraînement. Donc voilà un peu pour les nouvelles en Champions League. Deux petites nouvelles de l'Impact. Donc l'Impact, on le sait, la semaine dernière, qui avait annoncé qu'ils affronteraient trois équipes de la MLS. Donc, en fait, l'Impact de Montréal affrontera finalement les Timbers de Portland, le Sporting Kansas City et le FC Dallas en Arizona. Le quoi, Kansas City? Le Sporting. Sporting. Ouais, comme le sportif. Mais Kansas City, c'était pas le nom d'équipe? Ils ont changé de nom d'équipe? C'est fort probable. OK, moi, cherche-moi ça. Du moins, c'est ce qu'a dévoilé mercredi le 11 Montréalais qui avait annoncé au cours des dernières semaines qu'il affronterait trois clubs de la MLS pour parfaire son entraînement. Ces matchs seront disputés alors que l'Impact se trouvera en banlieue de Phoenix du 20 février au 4 mars. C'était les Wizards. Ah, d'accord. Et les Wizards s'appellent maintenant le Sporting. On y va vraiment avec des noms très européens hein, du côté de la MLS. De plus en plus, le Real Salt Lake, le Sporting, une coupe d'FC... Il y a à peu près juste New York, le Red Bull, là, qui. Ça, c'est plus un C'est le Red Bull FC, pareil. Ça, donc, à ce niveau-là. C'est un commanditaire. C'est le cas de certains clubs de deuxième, troisième division également du côté européen. Dernière nouvelle du côté de l'Impact, une nouvelle qui va probablement avoir un impact. Excusez, je l'avais pas préparé. J'espère que tu l'avais pas préparé, honnêtement. Pour la saison 2012, en fait, c'est Tony Donatelli qui quitte pour la MLS. Le milieu de terrain, Tony Donatelli, quitte l'Impact de Montréal pour joindre les rangs des Earthquakes de San Jose. En 30 parties l'an dernier à Montréal, il a été l'auteur de 7 buts et de 3 passes. Il a toutefois été blanchi en 4 parties éliminatoires. Donc, Tony Donatelli qui était un pilier quand même assez important là, du côté de l'Impact. On devrait quand même pouvoir le remplacer avec les nouveaux budgets qui vont s'ajouter. Mais un joueur qui avait une certaine importance, ne serait-ce que dans le vestiaire. Donc un joueur qui prenait quand même assez de place. Donc est-ce qu'on a jugé qu'il en prenait trop et ainsi on n'a pas renouvelé son contrat? Ou est-ce que c'est tout simplement là, une bonne vieille façon de s'entendre à l'amiable? Merci des services rendus et bonne chance. On verra. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Ça va, musique rapidement. Nous, FX, Champs-Élysées. Au retour, on parle du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. On va peut-être accrocher le Pro Bowl. C'est beau, je viens de l'accrocher, on n'en parle plus. Non, on va en reparler. Faut que je vous en parle du Pro Bowl. Bon, c'est correct. Nous, FX, on se reparle dans pas long. Nous, FX, Champs-Élysées. On va maintenant parler du match des étoiles. Vous vous souvenez sûrement, la semaine dernière, vendredi, on avait fait un pool ici dans le studio. Qui a eu l'œil le plus aiguisé? On avait choisi chacun nos choix. L'œil. Qui a vraiment envie de s'aiguiser l'œil? Ouais, c'est ça aussi la question. Donc, on avait fait un pool à savoir qui allait gagner, équipe Doucet, équipe Ducharme. Donc, on choisissait nos joueurs, un peu comme on l'a fait vendredi. Et on va aller écouter ce que Philippe avait dit en fin d'émission. Ouais. J'ai la très ferme intuition que je vais te sacrer une volée. On va voir ça lundi. Et j'ai la très ferme intuition que si tu le passes en onde, c'est parce que tu m'as sacré une volée. En effet, Philippe, en effet, l'équipe Ducharme qui l'emporte par la marque de 21-18. Oh, pas si pire. Non, ça a été pas si pire quand même. Là. Mais tu sais, je veux dire, avec un pointage de 11 à 10, il fallait s'attendre à ce que quand même... Mm-hmm. C'est sûr qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes équipes, mais je dirais que... Et j'ai remarqué en faisant les équipes, à peu près 60-70%, les joueurs que tu avais choisis et les joueurs que j'ai choisis se sont retrouvés dans les équipes respectives. Oui. Oui, c'est ça, c'était quand même impressionnant. C'est sûr que le fait que le capitaine et les capitaines des assistants, ça l'a aidé aussi. Mais quand même. Et la partie ne s'est pas jouée entre toi et moi, ne s'est pas jouée dans les filets, puisque nos trois gardiens de but ont accordé le même nombre de buts, c'est-à-dire 10 de ton côté, 10 du mien. T'sais, alors que nos gardiens, les trois gardiens en passant, là, j'ai choisi les trois gardiens que Star l'a choisi. T'as choisi les trois gardiens ouais. que Lidstrom ou plutôt Martin Saint-Louis, parce que lors du repêchage. Hey, Lidstrom faisait pas grand-chose. Lidstrom et Patrick Kane, lors du repêchage, là, auraient pu ne pas être là et ça reste pareil. Ouais, il a l'air arrogant, Kane. Mais ouais, on va en reparler après. Mais on en parle tout de suite. La petite affaire avec Jonathan Taze, là, je ne sais pas comment le prendre, on dirait. Non, mais ça, c'est du niaisage. Mais c'est, ça en est-tu ou ça n'en est pas? Ça niaise, ou, ouais. OK, OK. Parce qu'il y a un certain moment où Jonathan Taze avait quand même l'air de trouver ça un peu long, là. Ouais. Tu sais, on est allé chercher Bufflin, on est allé chercher Duncan Keith, on est allé... J'ai l'impression que c'est plus du niaisage intra-équipe, mais quand même, je checkais Kane en avant, puis je faisais « Ah, wow! » il m'énerve. C'est vraiment ce que je me disais. Hey, autre chose, ça s'est pas joué non plus chez les capitaines et les assistants. Je disais que tu étais avantagé au niveau de tes assistants avec Kane et Saint-Louis, M. Lidstrom, bien sûr, capitaine. Alors que moi, Kessler, qui d'ailleurs a récolté 0 point, donc comme je m'y attendais, et Mike Green, eh bien non, les deux, des deux côtés, on a été chercher 4 points chacun. Ça s'est vraiment joué au niveau, je pense, que de certains choix, dont Shea Weber qui a été chercher 4 points, dont Taze avec 3 points. Mon troisième choix, Mart Stahl, que... Choix controversé. Choix controversé, je me suis dit, je vais y aller avec le petit frère. Alors, le petit frère n'a pas été très payant pour moi. par contre, tes deux choix de Cédine, ça a seulement donné 3 points, tu sais, fait que... Ouais, en effet, mais bon, ils jouaient pas ensemble, hein. C'est un des bons moments du repêchage de vendredi dernier. On aurait pu croire quasiment que c'était arrangé. La séparation des Cédines, ouais, tout à fait. On aurait pu croire, mais moi, j'aurais aimé... bon, en fait, on les a opposés là lors du repêchage. J'aurais aimé également qu'au concours d'habileté, lorsque Henrik était dans les tirs les plus rapides, les tirs de précision, j'aurais aimé qu'on y confronte Daniel en même temps. Surtout que cette année, en plus, on y allait en même temps pour les tirs de précision. Ça aurait été vraiment intéressant de voir là un peu ce qui se passait. Mais bon, c'était tiré au hasard, donc on aurait pu modifier un peu le hasard comme on le fait régulièrement dans la LNH. Ton choix qui était payant, toi, Louis Erickson, avec 4 points. Mon choix qui était très payant en avant-dernière ronde, écoutez, Patrick Sharp. S'il y a de quoi, je m'attendais pas, joueur du match avec Patrick Sharp, du tout. Je l'ai probablement sous-estimé un peu. Faut dire qu'il évolue dans l'ombre un peu de Kane et Taze et Keith du côté de Chicago, mais Sharp est un joueur qui s'est extrêmement amélioré depuis son temps, depuis qu'il évolue avec les Flyers. Il avait été choisi à quelle ronde? Il a été choisi avant Taze même dans le repêchage. Donc, Moi, j'ai été surpris de ne pas le voir dans les patineurs les plus rapides. Patrick Sharp, qui est un patineur très rapide, ou en tout cas, qui l'était il y a quelques années, j'aurais bien aimé le voir là. Mais par contre, Michael Grabner, la recrue... La file. Eh là là, Taylor Hall n'a jamais été dans le coup et je pensais que Taylor Hall était vraiment un patineur rapide. Grabner, honnêtement, c'est drôle que étonné. Les deux recrues se retrouvaient un contre l'autre quand même à la fin des deux patineurs les plus rapides. Parlant de patineur plus rapide, as-tu aimé, Philippe, la chute de ton Timothée? Tim, non, mais j'aimais ça, les gardiens de but. Ouais, c'est beau à voir. C'était intéressant. J'ai adoré voir les gardiens de but. Et ce que j'ai bien aimé, c'est dommage qu'il ait tombé, mais Tim Thomas, il allait pas. Il patinait. Parce que malgré sa chute, il est quand même arrivé quasiment en même temps que c'était. Ouais, non, mais Cam Ward s'est laissé aller, là. Écoute, il flânait à la fin, là. Non, c'était super intéressant. Ça, j'ai bien aimé. Les défenseurs reculons aussi, c'est quelque chose, là. Ouais, Christopher Letang, là, derrière le filet, là. Les pas croisés de reculons, impressionnant. J'en vraiment, étais gêné. Ouais. Puis en plus, bon, il s'en va accrocher à la bande, ralentit un peu, puis il trouve quand même le moyen d'arriver devant Green. Vraiment. Il a failli ramasser. Je sais pas qui était au bat. C'est Cam Ward qui était justement proche du... C'est Cam Ward qui a dû lancer dans la porte pour pas se faire accrocher. Ah non, j'ai été impressionné. On va parler du repêchage, premièrement. Ouais. Vos opinions sur tout ce qui est déroulement. Aimez-vous la formule, monsieur? Moi, je trouve que c'est une belle formule. On pensait peut-être que ça allait donner une compétition un petit peu plus élevée, parce que c'était comme les capitaines, c'est qui a eu le meilleur. Finalement, niveau match, ça a resté quand même le même spectacle. Mais belle formule, je crois, j'aimerais revoir la même formule l'année prochaine. Si on s'en tient au repêchage, mettons, là, on ne parle que du repêchage, il faut revenir avec le repêchage année après année, quitte à peaufiner un peu l'exercice, parce que là, en fait, ce qu'on a fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est qu'on a fait vraiment un repêchage comme la Ligue nationale le fait. C'est-à-dire qu'on a les équipes à l'avant, on a les joueurs en bas, puis un tel appel. Je donc, dirais on a fait un repêchage comme on le faisait à l'école. Mais moins, je trouve. Les joueurs assis ses bancs. C'est que c'était très cérémoniel, à ce niveau-là où je veux dire qu'on rejoint justement le repêchage habituel, ce qui est un peu la logique également en fait là, mais j'aurais aimé qu'on mette peut-être un peu plus de spectacle. Qu'on fasse ça un peu plus, comme on en avait parlé, soit à l'extérieur, soit dans un gymnase, tu sais, faire ça un peu plus. On parlait en riant des bâtons au centre. On a vu à RDS, à Hockey 360, ils ont un peu fait cet exercice-là. C'était prévu d'avance. J'ai écouté le repêchage de TSN. Moi aussi, parce que. Je l'avoue, en fait, ça a aucune gêne. Aucune utilité de l'écouter à RDS. Il n'était pas là. Il y avait Mario Tremblay et Joël Bouchard, je pense, sur place. Mais au niveau du jeu de caméra, c'était, on montrait avec une qualité très moyenne les images de TSN, comme ça on venait de brancher la TV à côté, puis on envoyait. C'est drôle que tu parles de ça, parce que hier, lors du Pro Bowl, moi je travaillais hier soir, et au restaurant où je travaille, on a les télévisions, on avait TSN et RDS. Et CBC, tu veux dire? On prenait les images de TSN. Ce que Marc-Antoine t'a pensé, c'est le Pro Bowl. Le Pro Bowl était à Fox, et à CBC, c'était le match des étoiles, du hockey. Non, mais moi je parle, les deux c'était au Pro Bowl. Ah, les deux, TSN aussi. Parce que de toute façon, il y avait un gros décalage de 3 secondes, on pouvait voir. C'est pas le décalage qui m'énerve, c'est la qualité de l'image qui était tout simplement pas là. Et après ça, aussitôt, écoute, on entendait la voix de James Doty, donc on n'avait pas les entrevues, parce que je pense que les entrevues que Doty et James Doty a vraiment bien géré la situation d'aller chercher les entrevues avec les gars, d'aller nous faire rire, de. a dû gérer le malaise qui fait le castle. Ouais, ben en fait, ouais, c'est ça. Mais en même chose, là, pour ceux qui l'ont pas vu aussi, là, James Doty, en fait, qui était sur la scène entre les deux équipes et qui régulièrement allait faire les entrevues avec les gars qui étaient sélectionnés. Mais il y a pas un gros malaise avec Phil Kessel. Je pense, de toute façon, Phil Kessel, mets-toi à sa place, gagne un char, puis Je vais expliquer la situation dans le fond. Phil Kessel, on choisit les joueurs, tous les joueurs sont choisis sauf un qui a été choisi avant Kessel. Paul Stachny. Je me serais attendu à ce qu'il sorte avant. Stachny a quand même obtenu des points. En fait, outre Phil Kessel, il n'y avait que des pratiquement recrues. Il y avait Bacchus. Donc, Phil Kessel se retrouve le dernier, seul sur sa chaise. Et ce qui arrive, c'est qu'il fait face à la scène où est-ce que tout le monde est là. Ils ont même fait monter les recrues qui étaient assis dans la salle. Ils ont fait monter pour les séparer entre deux équipes. Et il reste juste Kessel qui est là. Ovechkin qui rit, il filme avec son cellulaire, puis il fait des photos, puis il rit. Tout le monde rit un peu. Et t'as Kessel qui est comme le dernier qui est choisi à la petite école dans le temps. Mais on fait durer ça un petit peu. Et là, Kane, avec notre dernier choix, on est content de sélectionner. Kessel monte et tu vois, Kessel t'es pas très heureux parce qu'il devait se douter que James Doty voulait une entrevue et il est monté assez rapidement, merci, dans l'estrade jusqu'à ce que James Doty va le chercher. Et heureusement, du côté de la nationale, on a trouvé un bon moyen pour gérer ça. Honda a donné une CRZ à Kessel et ont donné, je sais pas si Honda ou si la nationale. C'est 10 000 du côté de l'association des joueurs et 10 000 du côté de la LNH, donc 20 000 à une œuvre de charité du choix de Phil Kessel. On a réussi à gérer ça comme il faut, mais jusqu'à ce moment-là, j'aurais pas aimé être dans les culottes de Kessel. Tous ceux qui ont été sélectionnés, ils savaient que t'es Phil Kessel, t'es David Backus, t'es Patrick Elias, tu le sais que Elias a été quand même sélectionné très tôt, mais je pense que Elias est vraiment un good guy dans la LNH et que pas mal tout le monde l'aime. Garde, c'est quoi? En tout cas, moi, je me broierais pas sur le sort d'un joueur des Maple Leafs. Ah non, mais enlève ton côté partisan. C'est Thomas Plekanec qui sort dernier, tu dis quoi? Ah, la même chose. Je veux dire, écoute, là, t'es quand même. C'est quand même une étoile. Vaut mieux être le valet chez les rois que le roi chez les valets. Ça, c'est une de mes philosophies. T'es mieux être le pire des meilleurs que le meilleur des pires. Et dans ce cas-là, Phil Kessel a été choisi le dernier parmi 30 gars qui sont les 30 meilleurs des 700 qui jouent dans la Ligue nationale, qui sont les 700 meilleurs des millions qui jouent dans le monde. De toute façon, on dit tout le temps de toute façon que le deuxième est le premier loser. Fait que dans ce cas-là, Steven Stamkos c'est le premier loser. Cam Ward, premier choix, là, je m'en venais vers ça. On a perdu la tête du côté d'Eric Starr. Non, mais en même temps, il a bien fait ça du côté d'Eric Starr. Il a bien géré la chose, justement, d'aller chercher tous ses coéquipiers. Merci beaucoup. Et donc, à ce niveau-là, ça a été très, très positif également pour le spectacle en Caroline. Jeff Skinner qui se fait sélectionner aussi. Il me semble qu'on en parle, mais Plekanec aurait peut-être eu sa place. Il aurait tout à fait eu sa place, tout comme John Tavares. Deux joueurs qui ont été oubliés, qui auraient dû être au match des étoiles. Pourquoi Skinner plus qu'un autre? Parce qu'il a été sélectionné recrue. C'est le le home kid, donc c'est le petit gars de la maison. Ah, écoutez, c'est pour ça qu'on choisit. Ça a permis à Subin de se pointer là, ouais, et exactement. Donner le show un petit peu. Parlant de Subin, avez-vous, on a quelques instants pour parler du concours d'habileté peut-être? Ben, quelques secondes, on va en parler rapidement des feintes probablement. Ben, moi, j'ai bien aimé justement le concours de feintes. Ouais. Les gars auraient pu se donner un peu plus pour essayer de la mettre dedans, mais c'était intéressant quand même de voir ce que les gars sont capables de faire avec un bâton, entre autres Corey Perry, et vraiment impressionnant. Le jeu de la mais crosse, moi, la course à obstacles, j'ai adoré ça. Je sais que ça a été quand même assez critiqué dans les médias. Moi, j'ai adoré ça. Je m'excuse là, mais le petit filet qui est bord en bord de la patinoire, puis il faut que tu passes. Ouais. Écoutez, le filet est à peu près 6 pouces de large par 2 pouces de haut. Il est en largeur là, d'un côté à l'autre de la patinoire, puis il faut passer, faire une saucer pass, comme on dit. Là, ouais. Il faut la passer par-dessus une petite planche. Assez impressionnant, ouais, quand les gars l'avaient. Donc ça, à ce niveau-là, là, vraiment un bon concept que je crois que la Ligue devrait reprendre. Est-ce que j'ai pas... Zdeno Chara, 105.9 mille à l'heure. Mais Weber, très surprenant aussi. Ouais, Weber, tout un chat. La seule chose que j'ai à critiquer, c'est le concours des cibles. Où est-ce qu'on opposait? Mm-hmm. On en a fait un concours de vitesse et ouais, j'ai pas aimé ça du fait que j'adorais voir Raymond Bourque, le fameux 4 en 4. Prendre le contrôle, tac, tac. Daniel Cédine a fait un 4 en 4. Jonathan Taze aussi pendant la course obstacle. C'est ça. Et ça a passé un petit peu inaperçu, mm-hmm, justement à cause de ça. Dans la course obstacle, ça me dérange pas, mais le 4 en 4, je trouve que c'est les cibles, c'est l'épreuve fétiche avec le lancer frappé. C'est deux épreuves hyper spectaculaires qui offrent de quoi de totalement différent. En plus, l'un, c'est la précision, l'autre, c'est la force brute. Je trouve qu'on a mal, j'ai juste le terme anglais, mais on a mal showcasé ça. Donc, j'aimerais ça que ça revienne à l'ancien régime pour l'an prochain. On a voulu gagner du temps aussi en les confrontant un contre un en même temps. Donc, probablement qu'on a voulu gagner du temps là, justement, parce qu'on en perdait un peu avec la course à obstacles. Moi, je pense que la course à obstacles, on a fait deux fois chaque équipe. Une fois chaque équipe, ça aurait été suffisant. Très agréable. Ouais, quand c'est même, ça. Des fois, il y avait un peu de répétition, ouais, là, mais... Puis, le match comme tel du dimanche, j'ai bien aimé. Bon, ça aurait pu être les gars pourraient se donner un peu plus sans nécessairement se frapper. C'est là, les dernières minutes du match qui sont... Sinon, ouais. Mais sinon, j'ai quand même bien. Lidstrom, Stahl a engueulé d'une paire de défenseurs. Il dit, guys, what about playing defense? Les mm-hmm, gars, pourquoi vous jouez pas vous par défense? Moins 4, moins 5, comment de réveiller? Je ne sais pas si c'était sérieux, mais ça avait pas de l'air d'une joke. Là, moi, je pense qu'il parlait à son frère. Ah, peut-être. Donc, c'est pour ça que. Peut-être. C'est plus facile de parler à ton frère en faisant une joke en ayant l'air sérieux. Castor n'était pas encore choisi par son frère. As-tu vu l'entrevue de James Doty? Ouais, ouais. Qui dit comme genre, ben, c'est fini, je donne plus jamais de cadeaux à Noël, puis présentement, c'est difficile à prendre. Ma mère doit avoir de la misère dans les estrades. C'était bien géré comme ça. Et j'ai hâte de voir les codes d'écoute parce que je crois que ça doit avoir amené un petit peu plus de monde au match des étoiles et à la confrontation. Moi, j'ai bien hâte de voir la différence entre le match des étoiles de la LNH et le Pro Bowl. Pro Bowl, c'est... Mais ça sera pas la même affaire parce que Pro Bowl, c'est du football. Là. Tu peux pas comparer, c'est des pommes et des oranges. Ouais, non, mais marché pour marché, là, je veux dire. C'est pas tu veux dire au Québec? Non, mais juste... Okay. En proportion là à peu près là de quoi ça pouvait avoir l'air là, est-ce que la LNH a réussi un peu à augmenter ses coûts? Je vais comparer avec v'là 2 ans quand c'était à Montréal. Dans le fond, l'an dernier, il n'y en a pas eu. On va aller une pause au retour. JP Grenier se joint avec nous par téléphone. On va parler des Steelers de Pittsburgh qui vont être une des deux équipes. Dans le fond, c'est notre semaine Super Bowl, bien sûr, qui va être une des deux équipes présentes au match des étoiles. Au match des étoiles, qu'est-ce que je dis là? Au Super Bowl, bien sûr. Et une des deux équipes présentes. Et une vendredi, il va nous parler des Packers. Donc, une pause et on vous revient bientôt. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes de Shawinigan l'emportent 3-2 en prolongation contre les Voltigeurs de Drummondville. Yannick Veilleux et Benjamin Cazavant sont les marqueurs pour Shawinigan. À Québec, les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Remparts par la marque de 6-2. Le gardien des Tigres, Antonio Mastropietro, a effectué 23 arrêts sur 25 tirs. Et les Whiston recevaient la visite des Saguenayens de Chicoutimi. La partie s'est soldée par un pointage de 5-2 en faveur des Maniacs. C'était le week-end des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. C'est l'équipe Lindstrom qui remporte le match des étoiles. Patrick Sharp a été choisi joueur du match et Price, pour sa part, a effectué 13 arrêts sur 16 tirs. Le pilote trifluvien Jean-François Dumoulin pouvait inscrire une troisième victoire en carrière aux 24 heures de Daytona. Malheureusement, son coéquipier a sérieusement

Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Vous êtes de retour à la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Se joint à nous par téléphone, M. JP Grenier. Comment ça va, JP? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Hey, JP, juste une petite plug rapide de mon côté, conduitedepartie.com, chronique, opinion et beaucoup plus. N'hésitez pas à nous visiter, nous écrire ou peu importe. Hey, JP, juste une petite affaire avant de commencer, mais je suis sûr que tu vas pouvoir y mettre ton grain de sel. Aux nouvelles, Marc-Antoine nous parlait de Sébastien Toutant, qui a remporté la médaille d'or au X Games cette année. Est-ce que... Il y a eu des reportages sur lui à TSN. Il est Québécois. Et j'amène aussi là-dedans Pierre-Luc Gagnon, qui est un autre Québécois qui démontre des super belles choses, qui gagne l'or au X Games d'été. Comment ça se fait que RDS se contrefou de ça? Et là, je dis RDS, mais c'est pas juste RDS. Les médias québécois, point. Je suis pas mal sûr, c'est pas dans le Journal de Montréal ce matin, et ça sera pas dans la presse, et ça va être nulle part. Alors que les gars font des millions en commandite, attirent des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. Pierre-Luc Gagnon est plus connu dans le monde qu'à peu près n'importe quel joueur du Canadien de Montréal. Mais Georges Saint-Pierre, là, il même faut chose. Qu'il soit dans le coin pour qu'on en parle. Là. Même donc, chose. C'est la même maudite poutine habituelle. Si Saint-Pierre est pas... À tout le monde en parle, on n'en parle pas. Tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de ça, Tomo JP? Ben écoute, Sébastien Toutant, là, ça fait une couple d'années qu'il est déjà un peu sur la scène du snowboard avec le Shakedown à Saint-Sauveur, ça, si je me trompe pas. Oui. Écoute, ça fait déjà quelques années là, depuis qu'il est en bas âge là, qu'il gagne les compétitions là-bas. Puis tranquillement, pas vite, il se fait un nom. Moi, personnellement, avant la fin de semaine, j'en avais jamais entendu parler, juste pour te dire comme quoi que ça passe dans le bar au Québec. Là. Regarde, je trouve pas ça correct de la part de RDS. Mais c'est pas juste RDS, c'est tout le monde. Mais quand même, aujourd'hui, sur le site de TSN, on est en mesure d'aller voir la nouvelle. On l'a sur le site internet. C'est quelque chose qui vient de la presse canadienne. Donc, bon, en même temps, quand ça vient de la presse canadienne, il faut savoir ce qu'est la presse canadienne. La presse canadienne est une entreprise de relais qui prend des nouvelles de l'extérieur puis qui les adapte. Sauf que cette semaine, TSN a envoyé un reporter à Aspen faire un topo sur Sébastien Toutant. Là. Je veux dire, calvaire! À quel point on se fout d'un athlète québécois de même qui est un des meilleurs, officiellement, qui est le meilleur dans sa catégorie. Ouais. Et tu l'as même dit avec PLG, là, Pierre-Luc Gagnon, c'est la même affaire. Là. On n'entend jamais parler, à part quand les X-Games passent en reprise avec RDS. Il y a l'émission de X-Games RDS que j'aime bien, avec Michel Farvac-Larose et Big Ben Ouellet. Ouais, mais essaie d'aller voir leur code d'écoute. Moi, je te dis qu'ils font pas 100 000. Ben non, ils font pas 100 000. Je veux dire, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, TSN et RDS. Sauf qu'il y a deux émissions à RDS qui font 100 000. Là. Faut pas... Ben, je suis d'accord, Nick. Sauf que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Tu sais, ben, je veux dire, qu'est-ce que je regardais? Je suis désolé, c'est qu'on se donne pas l'effort. Les budgets. Oublie les budgets. Tu peux pas. Attends, laisse-moi finir. RDS ont des images de Sébastien Toutant. Il a compétitionné au Shakedown. On l'a vu à H2 Snow. Ils ont des images de Sébastien Toutant. Ils ont déjà. On se donne juste pas l'effort d'aller fouiller puis d'aller fouiller c'est qui Sébastien Toutant parce qu'on préfère mettre beaucoup plus de temps à des nouvelles que tout le monde a déjà couvert. On se donne un mandat avec là oui on vise quoi RDS mais c'est pas juste RDS là on n'est pas correct là-dessus c'est autant à peu près tous les autres médias au Québec qui s'en foutent autant. On se donne pas l'effort d'aller vers ce monde-là alors qu'il y a un marché mais tant que tu le mets pas de l'avant il y a pas personne. Je veux dire les jeux extrêmes qui sont à RDS doivent pas attirer moins que le curling ou j'ai rien contre le curling. Ou chasse-pêche. Chasse-pêche, là? Ah, attendez, là, chasse-pêche, vacances plein air, randonnée au Québec, c'est des institutions. Là, ça fait 20 ans que ça fait depuis toujours que c'est à RDS. J'ai rien contre ça. Ce contre quoi j'en ai un peu plus, c'est les concours de billard, les tirs de dards, puis ça, c'est du remplissage. Les jeux extrêmes, rempli avec autre chose. Moi, je te parle à Sport 30. Mm-hmm. Moi, je te parle. Et tu parles bulletin de nouvelles. Je te parle bulletin de nouvelles, peu importe la chaîne. Autant à TVA, autant. Ils n'en ont pas plus parlé à LCN. Pourtant, c'était Front News sur ESPN. Mm-hmm. Ah oui. Qu'on accroche? T'es quand même pas en train d'essayer de vouloir comparer ESPN avec les réseaux de sport québécois. Je te dis que ESPN en parle. Puis nous, le petit gars de la place, on n'en parle même pas. Il vient d'ici, là. Et, tu te souviens, dans les, aux Olympiques, à Vancouver, on avait entendu la promesse de la part de tous les médias au Québec, tous ceux qui couvraient le sport, autant Radio-Can que TVA, même V en avait parlé, de promettre justement de plus de couverture auprès aux athlètes québécois et canadiens. Moi, je vois CKC, là. C'est un autre média qu'on n'a pas parlé. Qui en parle peut-être le plus, mais qui quand même ne couvre pas la chose de façon incroyable. Là, on en parle avec quelques émissions là, en soirée vers de 7h à 8h. Du côté de RDS, on en parle au Flash Infosport dans la petite banderole le qui sport passe au en Québec, bas. À RDS. Le Sport au Québec, mais qui est une émission aussi plate à regarder qu'à c'est en tout cas. Non, mais c'est, je veux dire, c'est mal monté. Tantôt, on parlait, on disait, ils se donnent pas l'effort. Mais cette émission-là pourrait être bien meilleure, mais on se donne pas l'effort d'entourer la pauvre équipe de trois personnes qui est obligée de faire le tour du Québec à essayer de monter des topos. On leur donne pas de soutien. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et forcément, la qualité est pas là. Mais c'était pas ça mon point. C'est que les grosses locomotives, Radio-Canada, TVA, on n'en parle pas. Non, on parle pas de Pierre-Alexandre Bilodeau, on parle plus de Joanny Rochette, là. Ça a duré 10 minutes. C'est ça. Et c'est là que c'est dommage. On va en reparler un an après les Olympiques, un an après, avant les prochains Olympiques d'hiver. Puis là, on va se dire qu'on a fait contre, du bon travail. Par contre, à ce moment-là, par contre, je suis au courant que Québec a gagné hier contre Montréal, à Québec-Montréal. Ça m'énerve avec TVA. Pourquoi arriver avec un projet de même quand t'es même pas foutu de couvrir? Il faut attendre avant de critiquer TVA également. J'aime beaucoup les critiquer, mais il faut attendre afin de savoir est-ce qu'ils vont vraiment avoir un poste de sport consacré. Puis à ce niveau-là, comment ça va être construit puis comment ils vont le construire. Tant et aussi longtemps que t'as Jean-Paul Chartrand puis Marie-Claude Savard qui font un topo de 3 minutes à Salut Bonjour et que c'est ça ton sport en dehors de la série Montréal-Québec, tu peux pas vraiment te permettre de couvrir tout ce qui se passe au niveau du sport. D'autant plus que... Tu pourrais essayer. Tu pourrais avoir une émission sportive. Je veux dire, ils viennent de faire le match. Mais encore là, au lieu d'avoir une émission d'une heure qui parle, que t'as ton bulletin de nouvelles, qui parle de tout, non, t'as juste... les quatre mêmes, cinq mêmes débatteurs qui parlent tout le temps des mêmes affaires à tous les soirs. Ah oui, mais ça pogne. Non, pas tant que ça. Ça pogne pas après nous autres, mais fais le tour. Non, les codes d'écoute de... Ouais, mais là, le code d'écoute est dû tout à fait, simplement, c'est pas au contenu, c'est dû à la plage horaire. Non, je t'explique. TVA font jouer un film normalement à cette heure-là, qui récolte à peu près 350 000 de codes d'écoute. Le match à cette heure-là, à TVA, récolte présentement 250. Ben, t'as plus de codes d'écoute pour le match, là. Je m'excuse, mais le match dure une demi-heure. Ton film, c'est 2h30. Non, je te parle de 350 moyenne. Ouais, ben, ça reste la même affaire. Mais non, il y a 240 de moyenne pour un et 350 de moyenne pour l'autre. Pour 3 heures de Non, je te parle la moyenne sur 3 heures. Laisse faire. Je comprends. JP, alors qu'on a écoulé à peu près tout ton temps. Ben ouais, c'est ça, les boys. Vous êtes vraiment smart cette semaine. Ça parlerait plus, hein. C'est de la faute à Nick. Non, mais on a le temps de parler du Pro Bowl, là. Tu veux-tu nous parler du Pro Bowl puis revenir? J'en ai rien à foutre du Pro Bowl, comme tout le monde. Je veux juste vous dire de quoi pendant 2 secondes, OK? Il reste 1 minute et demie à jouer au Pro Bowl. C'est 55-42. Puis du côté de la Nationale, on met le genou au sol. J'ai fait, ben là, c'est le bout. Mettre le genou au sol au Pro Bowl, j'ai capoté. Je capotais. Le genou au sol à 1 minute et demie, là, j'en revenais pas. On veut éviter les blessures, Philippe? Ouais, laisse faire. Vas-y avec le Super Bowl, JP. JP, honnêtement, tu restes assez de temps? Ben, il me reste 7 minutes, Nick. C'est un peu de ta faute, là. On te donnera un 20 minutes, là. Hey, veux-tu qu'on te donne plus de temps vendredi, puis là, tu nous parles un petit peu de football, tout simplement? Ben, je peux faire la moitié-moitié, puis on va y aller de même, puis tu m'arrêteras, là. Je vais t'arrêter assez tôt, hein. Il reste pas long. Il te reste 4 minutes, 5 minutes à peu près. Non, je sais, puis c'est avec vos niaiseries, vous arrêtez pas. Je te garde plus de football vendredi. Je veux. Parle-nous un peu du show présentement au Cowboy Stadium. Comment tu penses que ça va qu'est-ce que ça va avoir de l'air, un Super Bowl avec autant de monde que ça? Ben là, tout d'abord, ce qui se passe, c'est que c'est la semaine du Super Bowl, des médias surtout. Oui, c'est ça. Des activités autour du terrain, les partisans qui ont toujours la NFL Fan Fest, que je rêve d'aller, là, honnêtement. Les joueurs sont là, pas les joueurs qui jouent, mais les joueurs qui sont éliminés sont là pour la plupart. Des grandes vedettes, là, puis écoute, c'est vraiment un événement en soi, là. Je sais pas c'est quoi exactement l'horaire des joueurs, sauf que je crois que mercredi, c'est la journée des médias. Habituellement, c'est en milieu de semaine pour après laisser les joueurs aller préparer leur match, sauf que les joueurs de chaque équipe auront leur heure et demie, où les médias pourront tour à tour poser la question. Dans le fond, là, je sais pas si ADS vont en envoyer un cette année. Habituellement, il y avait David Arsenault. Cette année, peut-être Arsenault. Marc Labrèche. C'est ça, j'ai plus l'impression qu'on va envoyer un Marc Labrèche. Encore peut-être Renaud Lavoie. Je pense que c'est lui qui était même là à Coupe Grey cette année. Ce serait peut-être logique, vu que c'est tout le temps lui qui envoie. Renaud Lavoie, non, il est au hockey. Je pense vraiment que c'était Marc Labrèche dans la chambre des joueurs après le Super Bowl. Après la Coupe Grey, plutôt. Donc, exactement, les joueurs seront là pour répondre aux questions des journalistes. Sinon, pour les partisans, comme je l'ai dit, il y a la fête qui se passe avec des concours d'habileté, ils peuvent rencontrer les joueurs, les dépisteurs même des équipes poser des questions. Ça va être une semaine remplie de citations. Là, on va voir quelle équipe des deux va s'ouvrir le plus la gueule. Vite de même, peut-être faire des prédictions plutôt que vendredi. Je pense, mon cœur est avec les Steelers, mais les Packers, je pense, pourraient causer une surprise cette année. Là. Ça va être offense contre défense, ça va être... Même encore là, les Packers ont une grosse défensive avec Dom Capers, leur coordonnateur à la défensive, qui est un des meilleurs de la profession. Ils ont des gros joueurs, là, B.J. Raji, Clay Matthews, t'as A.J. Hawk, t'as Woodson. Faut pas sous-estimer la défensive des Packers, qui représentait une des meilleures cette année. Puis c'est un peu pour ça qu'ils se sont rendus là, parce qu'avec la blessure de Rodgers, ça n'a pas été facile. Et dire qu'on n'est pas assez proche du côté des Packers de ne pas faire les séries. Écoute, il était à une défaite. Si le dernier match de la saison le perdait contre les Bears, c'est les Buccaneers qui passaient ou les Giants, puis c'était bye-bye. Là. Un peu à l'image des Steelers de 2006, des Cardinals de Saint-Louis en 2009-2008, je me souviens plus, là... On a une équipe là qui est la wild card dans le fond là, les underdogs s'en vont au Super Bowl, puis ça c'est ça qui fait la beauté du football là. Un match à la place d'un 4-7 là, c'est ce que j'aime moi du football. Ça peut être crève-cœur, sauf qu'en même temps ça donne tout un show. Puis écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Je pense que ça va frapper là les Steelers, qui jouent tellement une défensive violente. Ils ont l'équipe pour aller jusqu'au bout. Dick LeBeau, qui est à peu près le meilleur coordonnateur défensif selon moi. Troy Polamalu, qui pourrait être MVP là, du match facilement. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte à cette édition de cette année. Faut dire qu'on était gâtés ces dernières années avec les matchs de Super Bowl. Ouais. Contrairement au début des années 2000, là, où on avait un Giants-Ravens qui a eu à peu près 10 points dans tout le match. Écoute, si on peut avoir... un peu ce qu'on a eu avec Cardinals de l'Arizona contre les Steelers il y a 2 ans, là, avec un attrapant en fin de match spectaculaire. Big Ben, qui est l'homme des grandes occasions, là, en quête de son 3e titre. Donc, rejoindrait Tom Brady, entre autres, au 5e rang là, pour le plus de bagues. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Puis le Pro Bowl, ben garde... Hey, JP, tu veux-tu y aller au Super Bowl? Si je veux y aller. Ouais, parce que j'ai regardé, il y a une loge... Pour 43 personnes de disponibles au prix de... Écoute, le premier, le prix partant, là, je suis sur eBay, là, 250 000. Mais si tu donnes 295 000, il est à l'est. Ah, OK. C'est un buy-in ou... c'est ça. Là, ouais. Donc, 43 billets, OK? Dans le fond, il y a 27 billets qui sont dans la suite et il y en a 16 qui sont debout, OK? Et t'as la nourriture, les breuvages... Par contre, pas de phare. Pas de pourboire non plus. Il n'y a pas de phare, pas de pourboire d'inclus. Et ça vient avec 2 passes de stationnement. C'est-tu dans tes prix? C'est-tu correct ou? Ben là, si je monte avec mon Tercel, là, les passes de stationnement. Parque ça dans la rue, tu te feras remorquer au pire, pas plus grave. Mais écoute, comme. Rendu là, au prix que ça coûte la suite, on s'en fout de payer la remorqueuse puis la fourrière, là. Ben écoute, il y a Dirk Nowitzki des Mavericks de Dallas qui, lui, la louait pour 75 000. C'est pas mal plus abordable. Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est peut-être pas autant de personnes, par exemple. Non, c'est ça, j'ai l'impression. Ben, j'en vois d'autres, là. De toute façon, avec l'écran du Cowboy Stadium, c'est comme la regarder à la télé. Ouais, tu es bien d'y aller comme ça. Puis en plus, les deux équipes n'ont pas de cheerleaders, donc comment je vais me rincer l'œil, là? Attends, les cheerleaders des Cowboys de Dallas sont pas là? Ben non, ils sont pas, ils jouent pas. Non, mais grimper les années pareil, je veux dire. Les Steelers, les Packers, c'est deux des six équipes qui en ont pas. J'ai toujours cru que les deux plus grands atouts des Cowboys de Dallas étaient Tony Romo et leur cheerleader. Ben, il y avait Jessica Simpson dans le temps, mais là, c'est fait larguer par Tony. Malheureusement. Sinon, si tu veux d'autres billets, dans une suite encore pour deux billets, au niveau Temple de la Renommée, c'est 7 000 $. Et, la paire, là. Non, oui, la paire, 7 000. Ben oui, quand même. C'est pas du vol, là. Ben, là c'est abordable, là. Ben, c'est abordable, mais quand même, tu dois payer 30 $ pour le shipping. Ben, tu sais, c'est comme les gars, là, de la pub Visa, que ça fait 40 ans qu'ils vont au Super Bowl. Chris, sont-tu millionnaires, eux autres, ou ben... Il y a une cantine. Le gars, il est propriétaire d'une cantine. C'est quoi, Eh hey, ben, écoute, je vais te taire là. Je vais t'éteindre là. JP, non, ben... Tu nous reviens vendredi? Ben oui, avec okay. mon 60 minutes. JP, JP, j'aime beaucoup quand t'es pas préparé. Ça donne des moments géniaux. Ben, pas de trouble, les boys. Ben, merci beaucoup, JP. Alright. On se revoit vendredi. Yeah, vendredi, salut. Là, je te garde un bon 25 minutes. Un bon 25 minutes? Ah, facile. OK, je le compte. C'est bon. Tu vas peut-être être en studio, là. Ah oui, c'est vrai, tu vas peut-être être ici en plus. Ah ben là, on a bien fait de te garder, là. Ben ouais. Fait que je te laisse avec Jessica Simpson. Ouais, j'aimerais ça. C'est bon. All right. Salut. Non. Salut. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va cesser la musique, on va aller écouter Croquer des coups des trois accords. Et n'hésitez pas à consulter notre blog, inconduitedepartie.com. Bonne semaine, tout le monde!